Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, c'est Fun Radio. Nous sommes là jusqu'à 9h30, c'est Mickaël à la radio. 6h24 et nous avons Julie qui est là également, en pleine forme comme d'habitude. Hein. Ah mais moi tous les matins j'arrive en pleine forme. Hein. Pardon, il y a deux secondes, elle était proche du... Heureusement que c'est la fin de la semaine, hein, parce que je tiens plus là. Mais pas du tout. Je vais mal. Elle n'est pas comme ça. Mais non, pas du tout. Elle arrive tous les matins en pleine forme, mais jamais avec le petit déj. Ah non, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, attends, Mickaël est au régime, on va quand même pas. Mais ça va, j'ai déjà perdu 5 kilos là, je peux faire un éventuel écart au cas où. Si j'arrive avec des boules de Berlin, c'est ça, ce serait la vraie vie. Bon, d'ailleurs, si jamais vous êtes pas loin de la radio, n'hésitez pas à passer nous voir, évidemment. Vous êtes les bienvenus, la porte est grande ouverte, hein, 33 du Télémac à 11 de Nantes, Bruxelles. D'ailleurs, on va passer vous voir, vous également, puisque bon, si vous venez pas déposer le petit déj, on va venir le chercher, nous. Ouais, il y a un moment. Il faut dire la vérité. On est mieux servi que par soi-même. Il y a un moment, on va s'inviter chez vous. Je crois que tu as oublié des mots dans cette expression. Ouais. Non, mais en fait, maintenant, j'ai décidé que j'allais faire des phrases très courtes. Oui, c'est pour gagner du temps. Parce qu'on est vendredi. C'est normal. Ouais. Voilà, donc on va s'inviter chez vous, mais on aura l'occasion de vous en reparler très prochainement. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ce matin, pas mal de choses encore. La ligne anti-relou, évidemment. Nous aurons les appels pour faire chier le monde. Ça, c'est comme d'habitude, tous les matins vers 55, hein, 6h50, 7h50 et 8h50. Nous aurons aussi des cadeaux, évidemment, avec le remboursement intégral de vos factures, comme chaque matin, 7h10, 8h10 et 9h10. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez, 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis, bien évidemment, la devinette qui colle, ça c'est pour les gagner les écrans plats ou les Sony Xperia. Ce sont les smartphones à gagner ce matin. Et puis, dernier jour hein, pour repartir avec ces smartphones. Donc, écoutez bien la devinette qui colle. Écoutez. C'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner, mais dans la fonction publique, on dit qu'il permet d'entrer. Qui est-il? Quand je dis dans la fonction publique, c'est en fait dans n'importe quelle entreprise. On peut y rentrer facilement quand on a cette aide. Voilà. Donc c'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner, mais dans le travail, on va dire, on dit qu'il permet d'entrer plus facilement à un poste. Qui est-il? Si vous avez la bonne réponse, eh bien n'hésitez pas, vous envoyez votre réponse au 6322, c'est 1 € le message, et puis vous repartirez peut-être avec un écran plat ou le Sony Xperia, le smartphone, le Sony Ericsson Xperia qu'on vous offre toute cette semaine sur Fun Radio. Voilà, dans un instant, c'est l'info qui va débarquer avec Julie. Alors, j'ai eu ouï dire, oui. C'est une taupe qui m'a dit ça, oui. Que Vince, qui fait la libre antenne le soir, nous préparerait un coup de merde. C'est-à-dire? Mais je ne sais pas, justement, j'en sais pas encore plus. Donc voilà, je suppute qu'il débarquerait un matin pour, voilà, je sais pas, avec des crasses, avec des trucs pour saloper tout le bazar, j'en sais rien. Erreur. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais voilà. Vince c'est... débarquer un matin. Ah, écoute, mais ça dépend, il pourrait très bien continuer sa nuit et dormir après. Du coup, il ne débarquerait pas un matin, mais il débarquerait en fin de nuit, tu vois. Faut voir. En tout cas, si vous avez écouté la Libre Antenne hier soir, entre 20h et minuit, bah, il en a certainement parlé à l'antenne, puisque j'ai quelqu'un qui m'en a parlé un petit peu vaguement. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qui va se passer? N'hésitez pas à nous tenir au courant de manière à ce qu'on puisse rétorquer même avant qu'il agisse. Ce serait pas mal. Voilà, 6h27. Merci à vous d'avance, évidemment. Et puis, on va s'écouter Funda dans un instant. Funda, un artiste belge qui débarque sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. 6h30 sur Fun Radio et bienvenue tout le monde. Je vous rappelle la devinette qui colle dans quelques instants. Et puis grande nouvelle également pour ceux qui n'auraient pas envie de payer leurs impôts. J'ai peut-être une phrase, un petit texte sympathique éventuellement à envoyer aux impôts pour éviter de les payer justement. Je vous en parle dans un instant après les infos de 6h30 avec Julie. Bonjour à tous, c'est Lio Di Rupo. Va-t-il continuer sa mission? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexander De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne filtre. Elio Di Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui donner sa réponse et continuer ou pas les négociations. Les bons d'État remportent un franc succès, déjà 77 millions d'euros. Le Premier ministre sortant Yves Leterme espère en récolter 200 millions d'euros et les souscriptions recueillies en ce premier jour dépasseraient ce qui avait été récolté sur l'ensemble de la campagne précédente. Le bon d'État sur 5 ans offre un taux brut de 4%. Nouveau rebondissement dans le procès de la jeune Sadia, cette jeune femme abattue par son frère Moudoussar en octobre 2007. Selon la balistique, sa sœur aurait pu l'empêcher de fuir au moment au lieu de la protéger, comme elle le déclare. À la suite de la reconstitution des faits, plusieurs incompatibilités étaient apparues dans les versions présentées par Modoussar et Saria, la jeune sœur de Sadia, et puis aussi les analyses médico-légales. Pour rappel, les quatre membres de la famille de Sadia doivent répondre d'assassinat avec la circonstance aggravante de crime d'honneur et de tentative de mariage forcé. Un ado sans permis a renversé un piéton hier soir dans le centre d'Ewaï. Le véhicule a terminé sa course contre un mur. Le piéton et la conductrice du véhicule, tous deux grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Les jours sont en danger. La conductrice, c'est une mineure d'âge née en 1994 qui ne possédait pas de permis de conduire. Une minute de silence pour l'étudiant de 19 ans décédé la semaine dernière à la Saint-Vé. Aujourd'hui, cela fait tout juste une semaine qu'Anthony, étudiant à la KUL, est tombé sous les roues d'un char. Une minute de silence sera observée sur les campus des universités bruxelloises, ULB et VUB. Des fleurs seront également déposées sur les lieux de l'accident, rue du Lombard. Les funérailles du jeune homme se tiendront demain à 11h. À l'église Schildebergen en province d'Anvers. Et puis enfin au chapitre sportif, un mot de basket en Euroleague. Les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis en football, ça y est, c'est officiel. Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio, l'ancien patron du Standard. En matière de transfert, Luciano Donofrio avait quitté son poste de vice-président du Standard en juin dernier à la suite de la vente du club à Roland du Châtelet. C'est fou qu'on écoute dans un instant avec Send Up et la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui, Julie ? Eh bien, une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays pourrait profiter plus longuement du soleil dès la brume matinale dissipée. Température de 7 à 12 degrés. Eh bien, écoute, pour ce week-end, demain, ça devrait aller. Par contre, dimanche, retour de la pluie. D'accord, ok. Bon, bah très bien. 6h33 et l'info en plus maintenant avant d'écouter Funda sur Fun. Alors, l'info en plus, c'est que figure-toi, je ne sais pas si tu es pas très sport, toi, Mickaël. Hein. Si, ça dépend lequel. Mais tu fais quoi, par exemple ? J'aime bien le wake, mais je peux le faire qu'en été, donc, ouais. Donc voilà. Sinon, après, j'aime bien faire du foot, mais il faut être 11, c'est ça le problème. Bon, apparemment, tu ne devrais pas avoir des rides trop vite, parce qu'apparemment, courir cause des rides. Ah bon ? Ah bon, bah alors je vais arrêter directement. Hein. Alors, la course, la course à pied est l'un des moyens les plus efficaces et les plus économes pour brûler des calories. Forcément, ça coûte rien. Par contre, ça, c'est bien pour toi, hein, qui est très proche de ton argent. Tu sors, tu cours. Mais quelle image tu me donnes, c'est dingue. Et donc, ça ne te coûte rien. Par contre, le problème, c'est que courir, ça entraîne des dégâts au niveau de ton visage parce que la peau peut perdre l'élasticité à force de courir, en fait. Ah non, c'est pour ça que je cours pas, moi. Bien oui, selon les chirurgiens aux États-Unis, 25% des clients veulent lutter contre les ravages de la course, en fait. Les femmes qui font du jogging ont le visage plus creusé, particulièrement à 40 ans. Et donc, c'est quand même dingue que la course à pied serait la troisième cause de rides prématurées après le tabagisme et le soleil à outrance. Donc alors, ceux qui bronzent et qui fument et qu'en plus qui courent, c'est-à-dire qu'à 40 ans, et on dirait qu'ils en ont 85. Hein, alors, aux États-Unis, on voit de plus en plus des personnes qui portent un porte-menton. Un porte-menton pendant qu'ils font leur jogging, ouais. Ah, c'est pour donc pas que. Ah oui, d'accord. Pour pas okay. que ça. Tu vois que ça bouge, quoi. Et plus ça faut bouge, bien plus, plus la peau bouge et plus t'as des rides, quoi. D'accord, c'est okay. assez hallucinant. Oui, original, effectivement. Bon, dans un instant sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle et puis on va s'écouter le son de Funda maintenant sur Fun, 6h35. Bon réveil tout le monde, c'est Stand Up. Funda sur Fun avec Stand Up, il est 6h38, c'est bon réveil tout le monde. Dans un instant, remboursement des factures et je vous rappelle la devinette qui colle maintenant pour repartir avec vos écrans plats ou alors avec tout simplement vos Sony Ericsson Xperia. Ce sont les smartphones qu'on vous offre toute cette semaine. Écoutez bien, c'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner, mais dans la fonction publique, enfin dans le travail en règle générale, on dit qu'il permet d'entrer. Qui est-il ? C'est comme Julie par exemple, elle est là bah bon, parce qu'elle connaissait bien le patron et que du coup elle oui, a un petit sûr, peu rien été... à voir. Elle a eu des facilités. Si ah vous voyez ce que je veux justement dire. Justement, pas du tout. Voilà, elle a été un peu aidée. Voilà, c'est le mot qu'on cherche. Voilà, ça se trouve aussi dans un moteur de voiture, par exemple, ou d'avion. Enfin bref, un moteur en règle générale. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1 euro le message. On proposait un poussin. Je ne vois pas le rapport, hein, mais peut-être que toi tu le vois, mais n'hésite pas à nous le dire. Alors, un ascenseur, ce n'est pas la bonne réponse non plus, et ce n'est pas un tuyau. Voilà, comme ça, vous en savez un petit peu plus. Alors, on va parler de Justin Bieber maintenant. Oui, alors je ne sais pas si toi tu connais les 5 continents, Mickaël. Est-ce que tu pourrais me les citer ? Oui, bien évidemment. Il y a l'Amérique, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Asie et ouais. Il y a l'Océanie. Eh bien voilà, Mickaël, toi tu sais citer les 5 continents, Justin Bieber pas du tout. En fait, il était invité sur un plateau de télévision et alors le présentateur lui demande un peu sur quel continent il a déjà chanté. Ouais. Alors Justin Bieber a cité le Canada comme continent et ah il oui. a oublié l'Europe. En fait, il est quand même canadien, Justin Bieber. Oui, il est canadien. Donc, ouais. C'est assez. Bah oui, mais voilà. Donc, alors, si tu es toi-même canadien, tu devrais quand même savoir que le Canada n'est pas un continent. Non, mais la Belgique est un grand continent. Hein. Donc, faut le savoir, ça aussi. Hein. Donc, il a répondu l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique et le pôle Nord et le Canada. Ah ouais. Donc voilà, Justin Bieber est pas super doué pour citer les 5 continents. Non, effectivement, il a un peu de mal. Bon, il a un peu du mal, mais bon, on peut l'excuser. Je crois qu'il a arrêté l'école depuis qu'il est superstar. Donc bon, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Je ne sais pas. Bah c'est ça, je sais pas non plus. Il pourrait peut-être reprendre des cours par correspondance. Ouais, ça peut être une bonne idée. Ça peut être. C'est déjà ce qu'il faisait au début quand je l'ai reçu la première fois. Il prenait des cours par correspondance. Est-ce qu'il a continué? Ça, c'est la question. Je ne sais pas évidemment. Enfin, et encore, moi, je me demande si c'est pas carrément en primaire qu'on apprend ce genre de choses. Oui, si, c'est en primaire normalement. Normalement, il devrait le savoir. C'est vrai. Normalement, il devrait le savoir. Mais bon, voilà. Justin Bieber a d'autres choses en tête. C'est vrai. Comme gérer sa grande carrière. Ben, il a raison aussi, mais bon, enfin. Oui. 6h40 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Et alors, je vous avais dit qu'apparemment, j'avais eu ouï dire que Vince et l'équipe de la Libre Antenne le soir nous préparaient un sale coup pour le matin. Et donc, je vous avais demandé si vous aviez des infos à nous donner, évidemment. Et donc, les vrais fans de Vince ne parleront jamais. Néanmoins, tout le monde a son prix. C'est cela. Ouais. Bon, combien tu veux? Dis-nous un petit peu qu'on sache, qu'on puisse agir avant lui. Voilà, c'est 30-44. N'hésite pas surtout. 6h41, dans un instant, Jay-Z arrive. Jay-Z et Kanye West, avec Mr. Hudson, avec Why I Love You, ça va arriver juste après ça sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. À la radio. Il est 6h44. Oh pardon, excuse-moi, ça dit 6h44 sur Fun Radio ce matin. Bon réveil à tous. C'est vendredi, dernier jour de la semaine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais donc, dernier jour également pour affronter les bouchons. Que se passe-t-il sur les routes? Accident sur l'E40 Liège en direction de Bruxelles, à hauteur de Timstor. Bande de droite et du milieu obstrué. Une voiture est sur le flanc dans la Berne centrale, oui. Et alors, accident sur le ring intérieur de Bruxelles, à hauteur de Grand Bigard en direction de Zaventem. Bande d'arrêt d'urgence et bande de droite obstruée. Je rajouterai qu'il y aura quelques problèmes dans le centre de Liège car il y aura une manifestation. Plus d'infos dans le flash de 7h. Voilà, et donc pour info également, si jamais vous avez vous aussi, vous êtes témoin d'un problème sur la route, d'un radar, d'un accident, d'un bouchon, bref, transmettez-nous l'info, faites péter la fun solidarité au 3044 par SMS ou alors directement sur mon mail mickaël@funradio.be. Et puis pour revenir à la devinette qui colle, on proposait une hélice, n'est pas la bonne réponse, une clé n'est pas non plus la bonne réponse, le CV, non, alors c'est pas ça qui t'aide à rentrer, à trouver un travail si, enfin tu vois, en gros le but c'est que tu connaisses quelqu'un qui soit bien placé et qui te permette justement de bénéficier d'un avantage, voilà, donc c'est ça qu'on cherche, c'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner, mais dans la fonction, enfin dans le travail, on dit qu'il permet d'entrer plus facilement. Qui est-il? La bonne réponse au 6322, il y a des écrans plats à gagner ce matin et on écoute le son de Jay-Z et Kanye West maintenant sur Fun Radio. Why I Love You, et restez bien là car juste après ce sera la ligne anti-relou. 6h49. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. C'est l'heure de la ligne anti-relou, l'heure des meilleurs messages laissés sur le 0 473 86 00 13. Les messages qu'on écoute tous les matins, car vous avez donné ce numéro à tous les relous que vous avez pu croiser. Vous avez bien fait. On va écouter le premier message maintenant. Hey Caroline, en fait, tu te rappelles hier tu m'as donné ton nom, c'est Vincent. Ouais. Je peux te demander de 1, si on est devant pour demain, et de 2, si tu veux bien sortir avec moi. Rappelle-moi tout de suite. Alors, je vais reprendre les choses là où on les avait laissées la dernière fois. On a déjà discuté de ça. On ne demande pas à quelqu'un de sortir avec toi par téléphone. Et encore moins par téléphone. Oui, mais même en vrai, mais même encore moins par téléphone. En vrai, non, mais en non, mais c'est surtout, c'est surtout, tu veux bien faire mes devoirs et aussi, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ouais, alors, effectivement, on comprend pourquoi est-ce qu'il est tombé sur la ligne anti-relou. Tu m'étonnes. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Oui, bonsoir. C'est Daniel. Donc, je vis dans le carré, dans la ligne de Sindy. Voilà, en fait. Ce téléphone pour voir si ça t'intéressait pas de me revoir. J'ai rien compris. Ce soir, donc c'est à mon encore. Je te remercie. Ok, d'accord. On a, je sais qu'il était dans le carré, a priori à Liège, hein, c'est ce que j'ai compris. Mais sinon, pas plus d'infos. Non. On n'a rien compris. Deuxième, troisième et dernier message pour l'instant. Pardon, madame, c'était une erreur. quoi? J'ai rien compris. Mais il a dit, pardon, madame, c'était une erreur. Ah, moi, je pense qu'il a bien compris que. Ça, c'est mignon, ça. Qu'il était sur la ligne anti-relou et que ça ne servait à rien d'insister. Hein. Je pense. Bon, retour de la ligne anti-relou dans une heure sur Fun Radio et Robert Abigail maintenant. C'est Amor Prohibido sur Fun. Et si vous aimez ce style de musique, un rencard ce soir, minuit, 1h du mat, l'Invasion Latina. C'est l'émission 100% musique latino sur Fun Radio. C'est avec Manu, donc rencard ce soir, juste après Keep It Real avec Vince. Et nous allons maintenant, eh bien évidemment, faire chier du monde. Hein. Tof, qui c'est que tu vas appeler ce matin alors? Je vais appeler surtout ce matin parce que c'est la journée sans email. Ah, tu vas les prévenir, comme c'est sympa. Pour une fois, tu vas pas emmerder le monde. Pas du tout. Ah. Je vais proposer un système de remplacement. Oui, la poste. Ah non, c'est ringard la poste. Il faut vivre avec ton temps, mec. Maintenant, il y a le pigeon voyageur, les signaux de fumée. Oui. Ah bah oui. À la limite, le morse. Ah oui, bien sûr, avec son temps, quoi. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Bien sûr. Vraiment, et bien sûr, un service gratuit. Non. Ah bon. Ah non. Parce que le mail étant gratuit, je me suis dit que t'allais faire un truc gratuit. Ah bah non. C'est la journée sans mail donc aujourd'hui. Oui, c'est la journée sans mail. Ça a mal démarré déjà. J'avais déjà envoyé une vingtaine donc. Oui, c'est non. Voilà. Donc en fait, non. Donc ils disent pas que tu dois en envoyer zéro, mais que tu dois limiter. C'est-à-dire que tu dois tout ce qui peut pas être envoyé. Aujourd'hui, tu peux l'envoyer. D'accord. Demain. Bon, bah très bien. On va appeler Namur pour les prévenir. Mais oui, prévenons. Allez, les Namur, c'est parti. On appelle Namur maintenant là pour les prévenir que c'est la journée sans mail, enfin sans email. Allez. Puis rapide boule après. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce qu'aujourd'hui c'est la journée sans email. Ben oui. Et voilà, donc je voulais vous proposer des systèmes de remplacement pour que vous puissiez continuer à envoyer des messages. Non, merci, ça m'intéresse pas. Ah, vous voulez pas un pigeon? Un pigeon? Oui, un pigeon voyageur. C'est-à-dire que vous écrivez le message, vous lui mettez autour de la patte et puis vous l'envoyez. Non, merci, c'est bien jeté. Ah, c'est un système très écologique, hein, monsieur. Oui, merci, ça m'intéresse pas, merci. Vous devriez y réfléchir, vraiment. Oui, au revoir, merci. Il n'a pas l'air intéressé. Hein. Non, mais c'est le premier appel. Oui, c'est ça. Il faut le rappeler une deuxième fois. Je pense que là, ça va le faire. Bon, on va le rappeler une deuxième fois. Alors, c'est parti. Oula. Allô? Oui, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de vous parler des signaux de fumée. Mais vous allez me foutre la paix avec ça. Attendez, monsieur, vous n'allez pas pouvoir envoyer d'email. Je vous propose des systèmes de remplacement. Écoutez, il est 6h du matin. Lâchez-moi de basket et au revoir et merci. Ah bah voilà, lâchez-moi les baskets, au revoir et merci. Bon bah voilà, on va lui lâcher les baskets alors. Ouais, je suis très déçu. Oui, je suis assez déçu aussi, c'est dommage. Bon, enfin bon, tant pis, on remettra le couvert tout à l'heure. Si vous connaissez des gens qui utilisent souvent des emails et qui sont un peu tendus le matin, hein, n'hésitez pas à nous transmettre les numéros de téléphone. Hein, je t'aurais bien appelé toi, mais... Ouais, bah non, bah moi ça marche pas, non, pour le coup. Non, ça, on est l'un en face de l'autre. Donc bah c'est ça. Bon, 6h56 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Le rappel de la devinette, c'est dans quelques instants. Et puis dans un quart d'heure également, on va vous appeler pour vous rembourser vos factures 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance Pitbull, on écoute tout de suite avec Marc Anthony, c'est Rain Over Me. Pitbull à l'instant sur Fun Radio avec Marc Anthony, Rain Over Me, 6h59. Dans quelques instants on va vous appeler là pour rembourser vos factures au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous explique en détail comment ça va se passer d'ici quelques instants. Et puis pour la réponse et la devinette qui colle, eh bien on proposait encore pas mal de mauvaises réponses. On a remis le poussin. Alors je ne sais pas pourquoi il y a un poussin qui vient dans cette affaire. Ce n'est pas la direction non plus, ce n'est pas une chaîne, je répète, c'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner. Mais dans le travail, on dit qu'il permet d'y entrer plus facilement à un poste plus intéressant sans devoir trop se fatiguer. Voilà, on bénéficie à ce moment-là d'un coup de pouce. Voilà. 6322, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec un écran plat si la bonne réponse est donnée, bien évidemment. Donc bonne chance tout le monde. On vous appelle d'ici un quart d'heure. Et on écoutera aussi Rihanna dans un instant avec Calvin Harris et We Found Love. Et à 7h pile, c'est l'heure d'écouter les infos maintenant avec Julie. Bonjour à tous, c'est Lio Di Rupo. Va-t-il continuer sa mission? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexander De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne filtre. Et Lio Di Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui donner sa réponse et continuer ou pas d'être le formateur. Les bons d'État remportent un franc succès, déjà 77 millions d'euros récolté. Le Premier ministre sortant Yves Leterme espère en récolter 200 millions d'euros. Les souscriptions recueillies en ce premier jour dépasseraient ce qui avait été récolté sur l'ensemble de la campagne précédente. Le bon d'État sur 5 ans offre un taux de 4%. Manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales pour l'emploi en danger. Pour rappel, en octobre dernier, le Moniteur belge publiait un arrêté royal de la ministre de l'Emploi qui prévoit le prélèvement des réserves financières des agences locales pour l'emploi. Et puis manifestation à Bruxelles aussi du secteur non marchand, normalement pas trop de perturbations. Nouveau rebondissement dans le procès de la jeune Sadia, cette jeune femme abattue par son frère Modoussar en octobre 2007. Selon la balistique, sa sœur Saria aurait pu l'empêcher de fuir au lieu de la protéger, comme elle le déclarait. À la suite de la reconstitution des faits et des analyses médico-légales, plusieurs incompatibilités sont apparues dans les versions présentées par Modoussar et Saria. Pour rappel, les quatre membres de la famille Cheikh doivent répondre d'assassinat avec la circonstance aggravante de crime d'honneur et de tentative de mariage forcé. Une ado sans permis a renversé un piéton hier soir dans le centre d'Ewaï. Le véhicule a terminé sa course contre un mur. Le piéton et la conductrice du véhicule, tous deux grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours sont en danger. La conductrice est une mineure d'âge, née en 1994, qui ne possédait pas de permis de conduire. Une minute de silence pour l'étudiant de 19 ans, décédé la semaine dernière à la Saint-V. Aujourd'hui, cela fait tout juste une semaine qu'Anthony, étudiant à la KEL, est tombé sous les roues d'un char. Une minute de silence sera observée sur les campus des universités bruxelloises, ULB et VUB. Des fleurs seront également déposées sur les lieux de l'accident, rue du Lombard. Et puis enfin, au chapitre sportif, un mot de basket. En Euroleague, les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis en football, ça y est, c'est officiel. Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio en matière de transfert. Luciano Donofrio avait quitté son poste de vice-président du Standard en juin dernier à la suite de la vente du club à Roland Duchâtelet. Et on vous explique dans un instant comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Avant ça, c'est la météo. Quel temps pour aujourd'hui ? Alors, une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays pourrait profiter plus longuement du soleil dès la brume matinale dissipée. Température de 7 à 12 degrés cet après-midi. Ce week-end, eh bien, c'est plutôt pas mal. Temps sec pour samedi, mais retour de la pluie pour dimanche. Eh ben, très bien. Bon courage tout le monde d'ailleurs. Dans 20 secondes, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Car le remboursement des factures, ça se passe dans 3 minutes. Fun Radio. Fun Radio. À 7h04 sur Fun Radio, comment faire pour vous faire rembourser vos factures? Un jeu d'enfant. Il suffit simplement de nous envoyer un petit message au 6322 par SMS, c'est 1€ le message. Vous mettez facture dans le message en début de message, ensuite le montant, ensuite l'objet de la facture, comme là. 46,50€ pour un stage enfant, 12,96€ pour l'hôpital, oh c'est pas cher, 108€ pour l'assurance voiture, 96€ pour l'internet de Beliacom, c'est Cindy, 66€ pour Mobistar, 300€ pour le notaire, 55€ pour un cadeau d'anniversaire, 138€ pour des nouveaux pneus, 45€ pour la facture GSM. Bref, vous avez compris le principe. 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle juste après Rihanna, c'est-à-dire dans 3-4 minutes. Donc, bonne chance tout le monde. Quelle est l'info en plus ? Eh bien, bizarrement, vous ne m'en avez pas encore parlé ce matin. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est la journée sans email. De la jupe. Ah bon ? C'est la journée de la jupe. Ah, Love était au courant. Je savais pas, tiens. Bah, ce qui est plus bizarre, c'est que Toff n'en est pas parlé. Mais oui, c'est ça qui m'étonne. Bon, là, il ne peut pas réagir, il était à la machine à café. Mais en tout cas, c'est la journée de la jupe aujourd'hui. Mais pourquoi surtout ? Parce que en ce vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, comme l'année dernière, pour l'occasion, l'association Ni Pute Ni Soumise lance l'action Tout en Jupe. Alors, l'initiative a été lancée donc par ce mouvement international français Ni Pute Ni Soumise dans le but de dénoncer et d'attirer l'attention. Alors, la jupe représente la féminité, la liberté et la rébellion dans certains pays. C'est pourquoi ce mouvement a choisi ce vêtement comme symbole de son action. Ah, évidemment, maintenant, Toff est accouru dans le studio. Ah bah oui, comme par hasard. Je voulais dire que j'étais très déçu que Julie ne participe pas à ce mouvement. Mais oui, écoute, ça c'est vrai que c'est dommage. J'ai entendu ce matin à la radio, mais j'ai quand même une robe pull. Ouais, vite fait. Bon, on va faire une photo, vous me direz après ce que vous en pensez. On mettra sur le blog. Je suis à moitié en jupe. Voilà, Tov va faire une photo maintenant qu'il peut faire une photo de Julie. Effectivement, ils n'ont pas tellement communiqué là-dessus. Moi, je l'ai entendu que ce matin. J'étais déjà dans ma voiture, donc trop tard. Je m'étais déjà habillée, mais je suis à moitié presque en jupe. Ouais, à moitié presque en jupe. Enfin bon. Pourquoi pas. Ouais, bon, vous verrez sur mikael.fm. On va mettre la photo d'ici quelques instants. Donc, vous nous direz ce que vous en pensez. Pareil pour ceux qui sont sur le Facebook ou sur le Twitter de l'émission. Journée en jupe, donc. Voilà, n'hésitez pas. Bon, 7h06 sur Fun Radio, on va écouter le son de Rihanna maintenant. Et Calvin Harris, comme promis, c'est We Found Love. Et juste après, promis, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Rihanna sur Fun Radio et le remboursement des factures, c'est de suite. Tous les matins, Fun Radio. Fun Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins sur Fun Radio, c'est comme ça que ça se passe. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Si vous voulez qu'on vous rembourse une facture, il suffit de s'inscrire au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On donnera également aussi d'ailleurs dans un instant la réponse à la devinette qui colle. Cela dit au passage, plein de messages qui sont arrivés justement à ce niveau-là. 99€ pour une facture d'électricité, 210€ pour 3 stères de bois chez Cora, 140€ pour la taxe poubelle, 45€ pour une facture de GSM, 623€ pour un Minerval, 138,23€ pour des nouveaux pneus. Et nous allons appeler maintenant, c'est parti, on y va, direction je ne sais où pour rembourser. Je ne sais même pas ce qu'on va rembourser d'ailleurs, on verra bien, hein. Allez, c'est parti. Encore faut-il que la personne décroche, bien évidemment. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Mickaël sur Fun Radio. Ouais. Mais oui. Eh ben voilà, comment tu t'appelles ? Anissa. Anissa, t'es dans quelle ville et tu as quel âge, Anissa ? J'ai 31 ans et je suis dans le Brabant flamand. Dans le Brabant. Ah non, on paye pas dans le Brabant flamand, je suis désolé. Non, mais c'est ça. Ça rentre pas dans les sondages, donc ça nous intéresse beaucoup moins là. Bon, Anissa, tu voulais qu'on te rembourse une facture, c'était pour quoi ? J'ai envoyé quelques SMS, donc je sais pas. Ah, attends, je vais le retrouver. Alors, c'était 42€ si mes souvenirs sont bons, et c'était pour les enfants, stage, je crois, non ? Oui, un stage, voilà, stage pour un les enfants. Pour mon fils. Et ben voilà, comment s'appelle le petit ? J'en ai deux, donc il y a Aline et Elias. Aline et Elias ? Aline et Elias. Oui. Aline. D'accord, ok. C'est super, je suis trop contente. Eh ben tant mieux, écoute, ça nous fait plaisir. Du coup, j'oublie ton nom maintenant, avec Anissa et Elias. Anissa, oui, voilà, c'est ça, mais il y a trop de A dans cette histoire. Bon, Anissa, écoute, on va te rembourser ta facture, il n'y a aucun problème, tu restes au standard et on va t'expliquer comment ça fonctionne, d'accord ? D'accord, merci beaucoup, vous êtes géniaux. C'est gentil, gros bisous, à bientôt, salut. Bonne à toi. Journée. Bye bye. Bon, si vous aussi, vous voulez, comme Anissa, qu'on vous rembourse votre facture, eh bien, ça se passe dans moins d'une heure, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appellera avec plaisir d'ici une heure sur Fun Radio. Donc restez bien là et puis on va s'écouter Kate de Luna maintenant sur Fun Radio avec Fatman Scoop. C'est Drop It Low, bon réveil, il est 7h11 et juste après c'est l'horoscope avec l'ami Doudou sur Fun Radio. Et voilà, ça y est, le pull jupe de Julie est disponible sur le blog, sur amical.fm, sur Twitter également, sur Facebook. Ça y est, tout le monde regarde déjà ça. De l'Afrique en Amérique, en Asie, tout le monde regarde. Il n'y a rien à voir. Si, c'est le pull jupe. Voilà. Si vous voulez voir. Il y a un petit bout de cuisson quand même. Oh là là. Si vous voulez voir, allez-y. Donc c'est disponible partout. Allez, c'est l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope avec Doudou, évidemment. Vous êtes content, Doudou, aujourd'hui ? C'est vendredi. Ah bon, et alors pourquoi je devrais être content ? Bah parce que c'est le week-end. Ah oui, enfin bon, il y a encore 3 heures à faire hein, là. Ouais, mais enfin bon, c'est rien ça, Doudou, 3 heures là. Ah bon ? Ah bah si c'est rien, alors je peux y aller hein. C'est non. Rien si je suis pas là. Non, bon, allez, on va faire l'horoscope hein, vous êtes relou. Les béliers. Ah non, c'est vous qui savez pas ce que vous dites. Allez, les béliers. Alors, les prochains jours ne vont pas être faciles, mais vous surmonterez le tout. C'est déjà ça. Les taureaux. Vous êtes en ce moment dans une période créative que vous devriez utiliser professionnellement. Les gémeaux. Tempérez-vous, pardon, et évitez de faire des excès. Les cancers. Vous vous sentez en pleine forme et vous devriez en profiter pleinement. Les lions. Oui. Bah oui, il faut en profiter. Faire une sieste surtout. Bah, on a bien raison. Alors, les lions, ne restez pas sur votre canapé ce soir, sautez. Les vierges. On vous fait une proposition intéressante sur le plan professionnel et cela va renflouer votre compte en banque. Les balances. Soyez plus courageux. Les paroles d'un ami pourraient vous irriter ou vous blesser. Les scorpions. En ce moment, il vous manque la volonté de défendre votre position. Très bien, ça c'était les sagittaires. Les scorpions donc. Les scorpions, pardon. Oui, les escapades amoureuses ne sont pas en vue et cela risque de durer encore un moment. D'accord, alors... Les Verseaux maintenant. Oui, et les capricornes, non ? Parce que là, vous venez de le faire, mais vous n'avez toujours pas fait les scorpions, si je puis me permettre. Bah si. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas dans les sentiments. Bah oui, voilà. Je l'avais déjà dit ça. Moi, il me semblait pas, mais bon, d'accord. Les Verseaux, alors, c'est peut-être moi. Ah bah oui, alors les Verseaux, ces derniers temps, vous avez perdu de votre optimisme et votre vitalité. D'accord. Mais cette phase est bientôt terminée. C'est une bonne nouvelle. Et puis les poissons pour terminer. Si vous vous mariez ce week-end, eh bien partez du principe que ça va durer très très très longtemps. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Merci Doudou. Autant dire que vous allez finir avec une vieille mégère. On vous retrouve dans une heure Doudou. Hein. D'accord, avec plaisir. Très bien. Allez, c'est parti, on écoute le son de Diana King maintenant sur Fun Radio. Bon souvenir des années 90. Shy Guy à 7h16. Bon réveil tout le monde. sur Fun Radio avec Diana King à l'instant. Ça fait plaisir, un petit souvenir comme ça, la Shagai à l'instant. Dans un instant, il y a DJ Joss qui arrive avec Magic Cat et Mandy. Ce sera I Want You. Et puis la réponse à la devinette qui colle. Qui est avec nous? C'est Christophe qui est là. Et bah, qui est là. Salut Christophe, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. En pleine forme, Christophe? Bah ouais, comme tous les jours, hein, je vous écoute. Bah, ça fait plaisir, Christophe. T'as quel âge? T'es dans quelle ville? J'ai 33 ans et j'habite Quévrin. Quévrin, d'accord, ok. Alors Christophe, tu as la réponse à la devinette qui colle, qui est la suivante. C'est un élément mécanique qui permet au moteur de tourner, mais dans la fonction publique, on dit qu'il permet d'entrer plus facilement. Qui est-il? Le piston. Eh ben oui, le piston, tout simplement, effectivement, car on peut rentrer évidemment plus facilement on peut avoir un travail plus facilement quand on est pistonné, par exemple. Hein, comme Julie qui a été pistonnée. Oui, complètement. Ah, exactement, moi. C'est bien pour ça qu'elle gagne 5000 euros par mois pour travailler 3 heures par jour. 5000 euros par mois. Ah, quand même, t'as été augmenté. Ah, oui, évidemment. C'est ce qu'on appelle la promotion canapé également. Bah, bien sûr. Voilà, bon, Christophe, bravo à toi. Toi, tu n'as pas été pistonné, mais tu gagnes quand même ton écran plat. Ah bah c'est cool, merci. Eh ben merci. Voilà, ben y a pas de problème, tu retournes chez Lobo Standard, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidement, d'accord? Ça va, c'est cool, je vous remercie. Salut à toi Christophe et passe une bonne journée à Quévrin. Ciao, bye bye. Salut, salut. À bientôt. Et on remet un jeu en jeu, bien évidemment, un autre écran plat tout à l'heure. Hein. Enfin, c'est dans 5 minutes que ça va se passer d'ailleurs. Hein. Donc ne bougez pas de là. Et puis bien évidemment, bah, vous le savez, hein, que notre justice est un peu particulière. Hein. Ça, vous le savez évidemment. Non, bah si. Je dirais pas particulière, je dirais différent. Voilà. Et malheureusement, ce qui est arrivé récemment ne va pas arranger les choses. Alors je vous explique. Donc il y a un ancien magistrat du parquet de Verviers qui a reconnu avoir provoqué un accident mortel et avoir pris la fuite. Alors cet événement insolite a évidemment donné des idées à des producteurs pour la télévision. C'est quand même dramatique la télévision d'aujourd'hui. Après Pékin Express, la route du bout du monde. Vite, vite, avance, hein. Faut absolument qu'on arrive premier, avance, hein, des... Voici la nouvelle production Plug RTL. Ouais, putain, je pense que 200 km/h. Je l'ai tué. Je t'ai dit que je l'ai tué. C'est pas grave. Faut tracer là, faut tracer. Verviers Express, la route des chauffards. Vous voyez, jusque où ça va, sans déconner, jusque où ça va, c'est quand même dramatique. C'est dramatique. Et en parlant de télévision d'ailleurs, j'ai une autre information à propos de L'amour est dans le pré. J'ai un peu fouillé hier soir dans quelques articles qui ont été diffusés sur internet. Et il y a des choses un peu bizarres. Je vous en parle dans quelques instants. Donc restez bien là sur Fun Radio. On écoute DJ Joss maintenant avec Magic Cut et Mandy. C'est I Want You, bon réveil. DJ Joss à l'instant sur Fun Radio avec Mandy et Joss évidemment qui fait partie de la maison évidemment puisqu'il est là tous les samedis soirs évidemment avec Mademoiselle Luna entre 20h et 22h dans My Life is Music. Et d'ailleurs j'aurai l'occasion d'être aussi dans My Life is Music ce samedi soir, mais cette fois-ci depuis Paris puisque il y a l'événement Starfloor qui sera diffusé sur Fun Radio entre 21h et minuit ce samedi depuis Paris. On vous a offert vos places évidemment et donc on va en parler entre 20h et 21h dans My Life is Music. Je serai en direct donc de là-bas pour faire vivre l'événement au maximum évidemment. Il y aura Laurent Wery dans un instant et puis je vous avais dit qu'on parlerait de L'amour est dans le pré. Alors vous savez qu'il y a Geneviève donc de L'amour est dans le pré. Alors Geneviève c'est celle qui est juste dégueulasse avec Marc le fermier, donc qui le traite vraiment comme de la merde, qui pète plus que son cul, hein, autant dire les mots tels qu'ils sont. Ouais, on peut le dire. Ouais. Et donc dans un article RTL qui dit oh mais on est surpris de voir à quel point il y a autant de haine envers Geneviève. Comment ça t'es surpris? C'est-à-dire qu'il y a un moment, t'as vu comment elle parle au mec, quoi, c'est juste scandaleux. Et donc du coup, ils se sont dit oui, alors il y a eu tellement de scandales autour de ça que nous avons décidé de l'enlever de la prochaine émission, d'enlever Geneviève de la prochaine émission parce que c'est vraiment dramatique. On l'a supprimé du Facebook, on a même dû fermer le site internet pendant quelques heures, etc. Il faut avouer que les gens se sont acharnés, oui. Et je trouve pas ça très mais voilà. C'est pas pour ça qu'ils ont fermé tout, c'est pas pour ça qu'ils l'ont enlevé de l'émission, c'est simplement parce que elle a dit dans un article à la question si L'amour est dans le pré était à refaire, vous y participeriez? Non, absolument pas. Je ne retournerai plus jamais dans une émission de télé-réalité parce que je trouve ça honteux de voir comment on se sert des gens, comment on les manipule. Je trouve ça honteux et inadmissible. Je ne suis d'ailleurs pas la seule candidate à le penser. Il y a d'autres candidats qui commencent à me contacter et qui sont prêtes à se joindre à moi si RTL ne réagit pas. Et donc du coup, comme par hasard, RTL l'a viré de l'émission. Je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Donc ils ont absolument pas fait ça parce que vous avez été choqués ou quoi que ce soit. C'est juste à mon avis parce qu'elle a critiqué RTL et que du coup, bah forcément, ça les a pas fait marrer. Ouais, mais les gens se lâchaient quand même pas mal sur Facebook. C'était assez hallucinant. Ah oui, ça je suis d'accord. Il lui jette carrément des tomates sur sa façade chez elle. Il crève ses pneus. Elle a des appels anonymes toutes les nuits. Enfin, tu vois, ça pousse quand même. Faut pas aller jusque là. Ça va quand même trop loin. Moi, elle a quand même tendu le bâton. Elle a quand même été dégueulasse, quoi. Elle, oui, mais ça mérite pas ça. C'est son caractère. Je pense que elle doit se remettre un petit peu en question. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, RTL le dit, hein, qu'elle-même doit. Voilà, c'est pas des trucs qu'ils ont inventés. Tout ce qu'elle a dit, qu'ils ont diffusé. Elle l'a dit, vraiment, oui, bien sûr. Donc, je pense que elle doit se remettre en question, mais les gens doivent un petit peu se calmer aussi. Bon, en tout cas, si vous avez un avis à donner à ce niveau-là, est-ce que vous avez vu L'amour est dans le pré? Qu'est-ce que vous avez pensé de Geneviève? Est-ce que vous aimeriez qu'on l'invite justement dans l'émission si elle veut venir, évidemment? Vous nous dites 3044 par SMS ou alors mikael@funradio.be ou alors vous venez sur le Twitter et le Facebook de l'émission. On vous attend. Laurent Wery, je vous l'avais promis, ça va arriver. Avec Hey Hey Hey sur Fun Radio et l'info de Julie également. Restez là, ça arrive dans 3 minutes. Ne bougez pas. Mikael à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Bon, et j'ai toujours le bon plan là par rapport à vos impôts pour éviter de les payer. Je vous en parle avant 8h, donc restez là. Et puis à 7h30, c'est parti, l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, Célio Di Rupo va-t-il continuer sa mission? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexander De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne filtre. Célio Di Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui donner sa réponse. Les bons d'État remportent un franc succès. Déjà 77 millions d'euros récoltés. Le Premier ministre sortant Yves Leterme espère en récolter 200 millions d'euros. Les souscriptions recueillies en ce premier jour dépasseraient ce qui avait été récolté sous l'ensemble de la campagne précédente. Manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales pour l'emploi en danger. Pour rappel, en octobre dernier, le Moniteur belge publiait un arrêté royal de la ministre de l'Emploi qui prévoit le prélèvement des réserves financières des agences locales pour l'emploi. Et puis manifestation également à Bruxelles du secteur non marchand. Une ado sans permis a renversé un piéton hier soir dans le centre d'Ewaï. Le véhicule a terminé sa course contre un mur. Le piéton et la conductrice du véhicule, tous deux grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours sont en danger. La conductrice est une mineure d'âge née en 1994 qui ne possédait pas de permis de conduire. L'ULB vire ses étudiants. Des centaines d'étudiants qui s'étaient inscrits à l'ULB via le nouveau logiciel Smiley ne pourront finalement pas suivre les cours. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal La Capitale. Et ces étudiants sont victimes des bugs du système rencontré depuis plusieurs semaines et de l'enregistrement incorrect de certaines données personnelles dans la base de données. Ces étudiants s'étaient inscrits sur Internet mais ils n'ont jamais reçu la confirmation de leur inscription. Et puis une minute de silence pour l'étudiant de 19 ans décédé la semaine dernière à la Saint-Vé. Aujourd'hui, cela fait tout juste une semaine qu'Anthony, étudiant à la KUL, est tombé sous les roues d'un char. Une minute de silence sera observée sur les campus des universités bruxelloises ULB et VUB. Des fleurs seront également déposées sur les lieux de l'accident rue du Lombard. À l'étranger, 13 millions de Marocains sont appelés aujourd'hui à se rendre aux urnes pour les élections anticipées que le pouvoir veut historiques. Les partis, surtout le parti Justice et Développement, un parti islamiste modéré, et le taux de participation seront les principaux enjeux. Et enfin, au chapitre sportif, un mot de basket en Euroleague, les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis en football, c'est officiel, Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio, l'ancien patron du Standard, en matière de transfert. Dans un instant sur Fun Radio, Laurent Wery et également la nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos écrans plats. Mais avant cela, on va passer à la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui et pour ce week-end? Pas terrible, hein. Une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays, par contre, pourrait profiter plus longuement du soleil dès la brume matinale dissipée. La température de 7 à 12 degrés cet après-midi. Ce week-end sera encore pas mal nuageux. Temps sec normalement pour samedi, mais pluie pour dimanche. Ah merde. Ouais, bah c'est dommage. En même temps, c'est l'hiver qui arrive, hein, tu vois, c'est pas comme si on devait être étonné, à la limite, c'est juste normal. Ouais, enfin, les pluies, c'est pas vraiment l'hiver. Hein, ouais, bon, on y est presque quand même, hein, cela dit, mais bon. 7h34 sur Fun Radio, Laurent Wery, comme promis, arrive dans un instant, et puis quelques messages avant l'info en plus. Concernant Geneviève, son comportement par rapport à Marc est totalement inhumain, on ne peut pas parler à une autre personne de cette manière-là. Elle est allée dans l'émission pour se faire remarquer, elle a réussi, mais dans le mauvais sens. chance, elle n'a que ce qu'elle mérite. Voilà, tout simplement. Et alors, un autre message aussi de Catherine. Ah, bah voilà, bonjour, j'ai bien reçu l'iPad que j'ai gagné au Mad Mix la semaine dernière. Catherine, merci beaucoup. Et ben voilà, ça nous fait plaisir. Enfin, les cadeaux qui arrivent. Voilà, ouais, ça fait chouette. Plaisir, ça fait plaisir. Gagné la semaine dernière, c'est rapide, hein. Ah, ouais, ouais, mais j'ai été les acheter le jour même. Hein. Après, voilà, il faut le temps de la poste, quoi. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'on devrait faire gagner une Geneviève. Oui, une Geneviève, oui, tout à fait. Ouais. Embrouillez-vous à la maison grâce à Geneviève. Et encore un message, c'est honteux comme elle a parlé à Marc, comme elle l'a critiqué. De plus, elle parle sur RTL, mais elle a tout de même bien profité des vacances. Il n'y a pas de mots pour décrire son comportement. Un autre message, Geneviève est une sale garce. Très bien. Bon, bah, donnez-nous vos avis sur Geneviève. Est-ce que vous voudriez qu'on l'invite dans l'émission pour que vous puissiez justement lui poser des questions? Ah, pardon, j'ai cru que tu allais dire pour la clasher. Ou aussi, oui. 3044 par SMS. Attends. Ou alors, bah, vous nous donnez vos avis sur le Facebook et sur le Twitter. Je vais poster un petit message d'ailleurs sur le Twitter Mickaël officiel ou Fun Radio. Vous tapez les deux, bien évidemment. 7h35, l'info en plus, quelle est-elle? Alors, je sais que toi, Mickaël, tu es plutôt sport, le wakeboard et ce genre de choses. Tout chose. À fait, mais voilà. Je vais pas faire que l'hiver, que l'été. Ouais, voilà, parce que c'est un rider, Mickaël, il faut le savoir. Mais grave, non, tu vas voir. Mais il en fait jamais. Mais tu vas voir cet hiver au ski, là. Je vais te mettre une patate. Ouais, bien sûr. Et toi, tu es plutôt sport ou non? Moi, je suis sport extrême. Vu ton physique, pas grand-chose. Bon, en tout cas, c'est bien parce que vous, la course à pied, c'est pas trop votre truc. Pourtant, non, ça non. C'est l'un des moyens les plus efficaces et les plus économes pour brûler des calories. C'est comme chiant, faut dire. Alors, ce malheureusement, courir cause des rides. Eh oui. Ah bon, oui, la course ferait de gros dégâts sur le visage. Oui, c'est pour ça, regarde ma peau de bébé. Renée Zellweger et Madonna, deux joggeuses averties, peuvent en témoigner. Leur peau perd de l'élasticité à force de courir. Alors, il y a un chirurgien qui a témoigné et qui dit que 25% de ses clients veulent lutter contre les ravages de la course, justement. Et la course à pied serait la troisième cause de rides prématurées après le tabagisme et le soleil à outrance. Donc c'est quand même assez dingue. On vous conseille de faire du sport, mais en fait le sport vous donne des rides, en tout cas la course à pied. C'est pour ça qu'aux États-Unis on voit de plus en plus de joggeurs qui portent des porte-manteaux. Eh mentons, oui. Mentons, pardon. Des porte-manteaux, hein, pas manteau, menton. Comme un menton. Et donc ça bloque leur menton et donc il y a moins, ça bouge moins. Quoi. Ça bouge un peu moins évidemment. Ouais. D'accord. Voilà. Bah c'est un bon plan finalement. Hein. Bah écoute, pourquoi pas, oui. À tester quoi. 7h36 dans un instant, la nouvelle devinette qui colle, je vous l'annoncerai. Et puis on écoute le Laurent Wery maintenant avec Kaidé Dev, c'est Hey Hey Hey sur Fun Radio. Laurent Wery sur Fun Radio et ce qui arrive c'est Liquili également dans un instant. Et puis la petite devinette qui colle, on peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur, comme c'est beau. Je répète, non. On peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. Qui est-elle? Elle a une couleur en général. Il y a plusieurs couleurs et ça veut dire à chaque fois quelque chose de différent. Quoi, voilà. Le jaune par exemple, cocu? Oui, par exemple, voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, c'est un écran plaquette à gagner ce matin, 63-22 avec la réponse bonne chance. On peut la faire, la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur, hein, genre, ah donc bon je te fais une, mais vraiment parce que c'est toi, hein. Et on peut l'offrir, non, et on peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. Qui est-elle? En général c'est pas une variété. Ah non, c'est en général, oui, évidemment, voilà. Et bon, vous l'avez réclamé beaucoup depuis hier, avant-hier également, hein, on va vous la remettre, la petite musique qu'on avait faite sur Elio Di Rupo et tout ce cinéma qui est la politique belge. Je propose de réécouter ça maintenant. D'ailleurs, il y a une nouvelle version un peu plus longue qui arrive dès demain dans le replay. Nous sommes à nouveau en pleine crise politique. Le formateur Elio Di Rupo, il y a présenté sa démission au roi. Ça fait plus de 500 jours qu'on a voté. Un accord, ils n'ont toujours pas trouvé. Même Di Rupo a dû démissionner. Je crois qu'ils nous prennent vraiment pour des teubés. Car même une pute, moi j'ai su négocier. Il faut croire qu'ils ne savent pas se parler. Ça me fait chier. Même une gastro nous ferait pas tant d'effet. Maintenant faut arrêter de déconner. Car là vraiment vous nous les gonflez. Vos salaires faudrait les diminuer. Ou tant qu'il n'y a pas d'accord les supprimer. Dites pas que je suis en train d'abuser. Les libéraux sont des enfoirés. Car si jamais on doit aller voter, je crois qu'ils pourront aller se faire. Mec, je crois que de ce pays je vais me barrer. Pour la Suisse ou bien pour Yaoundé. J'en ai marre d'être taxé pour des routes bien souvent endommagées. Didier Reynders, moi si son salaire je le lavais, j'en profiterai pour rembourser tous mes PV. Car les caisses de l'État, ceux qui les remplissent c'est toi et c'est moi. Maintenant faut arrêter de déconner. Rue de la loi faut vous enfermer. En vous apportant que dalle à bouffer, ça vous permettrait peut-être de vous grouiller. prier. Car 500 jours faut pas abuser. Car même l'Irak elle nous a niqué. Au final je plains vraiment sa majesté. Dommage qu'il peut pas tous les déglinguer. Et voilà la petite chanson qu'on avait faite sur cette... Cette parodie de politique, effectivement. Oui, on la remettra tout à l'heure si vous voulez. Et puis j'ai un bon plan également pour éviter de payer les impôts. En tout cas, pour gagner du temps. Ou pour rigoler, en tout cas. On va dire ça comme ça. On vous passe ça dans un instant. C'est Likili sur Fun Radio avec I Follow Rivers. Il y aura la ligne anti-relou également. Et puis bien évidemment, l'info trafic. Ne bougez pas de là. On revient juste après ça sur Fun Radio. Ne bougez pas. Likili à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Et voilà le son de Jason Derulo à l'instant. Il y a eu un truc un peu bizarre qui s'est passé dans notre casque. Je ne sais pas si c'est arrivé chez vous, mais chez nous c'était bizarre. Bon, 7h47 sur Fun Radio. Qu'est-ce qui se passe sur les routes ? Eh bien, accident sur la 18, enfin le 40 aussi. J'avais que en direction de Dunkerque à hauteur de Westkerke, il faut savoir le dire. Ouais. En direction de la France, bande d'arrêt d'urgence et bande de droite obstruée, circulation fortement ralentie. Accident également sur la N69 à hauteur de Brève en direction, non, dans les deux sens, on me signale. Chaussée fermée, circulation à l'arrêt, un autobus qui est accidenté. Et puis véhicule en panne sur le ring d'Anvers en direction des Pays-Bas à hauteur du Kennedy Tunnel. Et puis travaux routiers sur le ring, le grand ring cette fois d'Anvers en direction de Gand à hauteur de Beveren Tunnel. Bon, et si vous êtes dans un accident éventuellement, dans un embouteillage ou même si vous voyez un radar, n'hésitez pas à nous le signaler. Évidemment, la Fun Solidarité, c'est comme ça que ça se passe. Vous nous envoyez votre petit message au 3044 par SMS ou alors un petit mail également mikael@funradio.be. On compte sur vous. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et à 7h48, c'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Et oui, les meilleurs messages qui ont été laissés au 0 473 86 00 13, numéro de la ligne anti-relou qu'on met évidemment à votre disposition pour vous débarrasser de tous les relous qui seraient éventuellement en train de vous prendre la tête. En plus, on arrive au week-end, donc Dieu sait qu'il risque d'y en avoir pas mal des relous, justement. On va écouter le premier message maintenant, c'est parti. J'y vais, c'est moi. Oui, c'est moi. J'ai envie d'acheter des trucs cochons, quoi. Mmh. Ouais, rappelle-moi, c'est moi, André, ton chéri. C'est bien un truc tu l'amour, c'est ce genre de message. Ah oui, Gisèle. Mais oui, j'ai envie de faire des trucs cochons avec toi. T'es vachement expert, toi, Mickaël. Bah non, mais attends, je limite, tu rigoles quoi. Mais ouais, c'est ça. Je t'ai dit que j'étais un piètre dragueur, mais vraiment à ce point-là, même pas. Hein. C'est-à-dire que c'est encore pire. Deuxième message. Hey Caroline, en fait, tu te rappelles hier, tu m'as donné ton nom, c'est Vincent. Ouais. Je peux te demander de 1, si on est devant pour demain, et de 2, si tu veux bien sortir avec moi. Rappelle-moi tout de suite. Enfin, tout de suite. J'aime bien. Est-ce que tu peux faire mes devoirs? Est-ce que tu veux sortir avec moi? Rappelle-moi tout de suite. Enfin, bon, quand tu peux, quoi. Si, enfin, si tu peux. Enfin, ouais, enfin, si tu veux pas, tu m'appelles pas. Hein, c'est pas très grave, quoi. A priori, elle aura pas envie. Ouais. Bon, évitez. Oui, déjà, si tu termines effectivement sur les lignes anti-relou, c'est quand même relativement mal barré. Et puis surtout, ouais. Évitez de demander à quelqu'un de sortir avec elle au téléphone, quoi. Ouais. Ça ne se demande pas. Hein, ah oui. Ça se demande pas. Ça se fait tout seul, évidemment. Il a l'air jeune en plus, donc j'ai peur pour dans 10 ou 15 ans. On verra ce que ça va devenir. Ce genre de jeune pousse relou, tu vois. Il terminera peut-être comme toi. Ouais. Ce sera triste. Mal barré, effectivement. Bon, et enfin, dernier message pour cette heure-ci. Oui, Amélie, bonsoir. C'est Daniel, on se vit dans le carré, dans la nuit de samedi. Voilà, en fait, je te téléphone pour voir si ça ne t'intéressait pas de me revoir. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone de merde? Je ne comprends rien. C'est à moi encore. Je te remercie. Ah bah, c'est-à-dire que même s'il t'avait donné son vrai numéro de téléphone, elle n'aurait pas pu te tenir au courant parce qu'on ne sait même pas qui tu es. Et en plus on de sait ça, même pas ce qu'il veut. On sait même pas ce que tu veux parce qu'on comprend pas très bien ce que tu racontes. J'ai deviné qu'il appelait du carré, à Liège, j'imagine, ou en tout cas qu'il l'avait rencontré au carré, enfin dans le carré, je sais pas très bien, mais enfin bon. Bon, allez, 0473 86 00 13, c'est le numéro de la ligne anti-relou à donner à tout le monde. N'hésitez pas. Dans un instant, on va prévenir les gens que c'est la journée sans email. Hein. Voilà, pas voilà. D'email aujourd'hui. On va faire ça d'ici quelques instants également. Le bon plan également par rapport aux impôts. Je vous en parle depuis 6h30, je vous l'annonce avant 8h. Et on écoute Likili maintenant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est I Follow Rivers. Et puis je vous rappelle également la devinette qui colle dans un instant. Il y a un message aussi qui est arrivé. Moi j'aime bien Geneviève, ça se voyait directement qu'elle était une vamp. C'est comme dans la vie, si on a le physique, on en profite. Ouais, sauf qu'elle avait peut-être le physique, mais aujourd'hui c'est fini. Hein. C'est le son d'Avicii qui arrivera dans un instant avec Levels sur Fun Radio. Il est 7h53, bon réveil si jamais vous voulez sortir du lit. Et un message qui est arrivé qui dit: elle avait le physique, mort de rire. Ok, le corps ça va, mais sa tête, la vilaine, c'est vilaine de chez vilaine, c'est ballot de Bruxelles. Ah bah oui, non, mais c'est vrai, faut le dire quand même. C'est vrai qu'elle a sa tête aujourd'hui, c'est quand même très dur. Je propose qu'on arrête de s'acharner sur cette pauvre femme. Mais je ne m'acharne pas, je demande l'avis du peuple. Oui, bah, d'accord, mais... Et bah, le peuple répond. Je veux dire, effectivement, elle a mal agi, je pense que ça c'est certain. C'est mal, c'est très mal. Mais il faut qu'elle se remette en question, ça oui, aussi voilà. C'est certain. Mais c'est pour ça on va essayer de l'inviter. Qu'il faut arrêter de s'acharner sur elle. On va essayer de l'inviter, voilà. Donc si elle veut venir, comme ça, pas. Qu'elle n'hésite pas, évidemment, elle est la bienvenue. On signale également un radar sur le 42, sortie Fleurus. Vous envoyez vos messages si vous êtes témoin de quelque chose, n'hésitez pas. Et puis la devinette qui colle, on peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. C'est ce qu'on offre souvent à la Saint-Valentin. Peut-être de plusieurs couleurs, mais du coup, ça veut parfois dire des choses différentes. Il y a Isa de Liège qui proposait la rose. Ce n'est pas la réponse qu'on cherche, ça, c'est évidemment. C'est une variété, en fait. C'est une variété, voilà, c'est ça. Ouais. Et les hommes offrent souvent ce genre de choses pour se faire pardonner. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ou pour faire croire qu'ils se font pardonner, alors qu'en fait, il n'y en a rien à foutre. Mais bon, moi, comme ça, ça passe. Mais ça, c'est toi, Mickaël. C'est différent. C'est faux. Bon, 7h54, on va prévenir les gens, là, du coup, que c'est la journée sans email. Bah oui, je pense que c'est important. Enfin, c'est surtout pas les prévenir, c'est surtout leur proposer des alternatives. Voilà, des systèmes alternatifs pour qu'ils puissent continuer à envoyer des messages aujourd'hui. Exactement. Bon, donc, on a essayé tout à l'heure, ça s'était plutôt mal passé. On avait été à Namur. Oui. Bon, bah, on va la ouvrir. Je comprends pas parce que j'étais plein de bonne volonté en plus. Bah oui. On me propose un pigeon voyageur à la place du mail. Pourquoi pas? C'est vrai que l'idée est tellement géniale que je ne comprends pas comment est-ce que personne n'y a pensé avant. Mais j'ai d'autres solutions. Ah hein. Bon, bah très bien. Ah oui, j'ai les signaux de fumée aussi. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, allez, on y va. On appelle à Ougré maintenant. C'est parti. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce qu'aujourd'hui, c'est la journée sans email. Quoi ? C'est la journée sans email aujourd'hui, oui, monsieur. Ah oui, c'est ça. Merci. Bah, de rien. Ah. Eh ben voilà. Bon, bah, comme ça, c'est arrangé, hein. C'est bon. Rapide. Ah ouais, c'était très rapide. On va le rappeler, hein. Trop, oui. J'ai même pas eu le temps de lui en parler de mes signaux de fumée. On le rappelle, t'inquiète. Il y aura l'info de Julie aussi après. Alors, quoi ? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, je n'ai pas eu le temps de vous parler de mon bras zéro à signaux de fumée. Allez, vous faire foutre. Ah, ils sont très rock'n'roll, là, Ougré, hein, et très charmants. Hein. Oh là là, on les rappelle, enfin, on le rappelle, en l'occurrence. Allez, hop là. Est-ce que c'est fini ? Bah, excusez-moi, monsieur, mais je n'ai pas encore le temps de vous expliquer pourquoi je vous appelais. Je m'en fous, il est assis dans mon lit. Oui, peut-être, monsieur, mais peut-être... Allez, scola, Reggie. C'est pas ce qu'il a dit, mais... Vascora Reggie. Mais ça veut dire quoi, se faire foutre? Ah oui, d'accord, ok, très bien. Quelle sympathie. Merci pour la traduction. Merci pour cette traduction. Vous connaissez les insultes dans toutes les langues. Ah oui, évidemment. Bon, bah tant pis, on rappellera tout à l'heure d'autres numéros de téléphone que vous pouvez nous envoyer, évidemment, au 3044. Et puis, par rapport à Geneviève, on disait Elvira réincarnée. C'est Steph, bisous à l'équipe. Bah merci Steph, bisous à toi également. On proposait des pralines aussi pour la devinette qui colle. C'est pas la bonne réponse. On en parle et on vous offre l'écran plat dans quelques instants. 7h56 et le son d'Avicii maintenant. Levels sur Fun Radio, bon réveil avec nous. Il est 7h59 sur Fun Radio, message qui est arrivé aussi par SMS qui dit, où est-ce qu'il est celui-là, bonjour Fun Radio, ça va, belle musique. Bah écoute, merci, hein, tant mieux si ça vous plaît, hein, c'est le principe. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec le remboursement des factures dans un instant, donc restez bien là et on écoutera aussi le son des LMFAO sur Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, bonjour tout le monde, si vous venez d'arriver, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, on va vous rembourser vos factures aussi dans un instant, je vous expliquerai comment faire, et puis on va faire un tour du côté de l'actu maintenant avec Julie. Bonjour à tous, l'électricité augmentera de 20%, sans grande surprise, la sortie du nucléaire programmée dès 2015 et qui devrait s'achever en 2025 s'accompagnera d'une augmentation de la facture énergétique. La CREG, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, a refait le calcul à la demande du journal Le Soir. La facture annuelle du client moyen pourrait exploser selon le scénario choisi. La note annuelle payée par le client moyen devrait varier entre 5 et 19%, soit 132 € par an dans le cas le moins favorable. Ces chiffres sont cependant contestés par les défenseurs de l'énergie renouvelable qui considèrent que ce chiffre ne tient pas compte des coûts indirects du nucléaire ni de ses coûts environnementaux. En Belgique, 52 personnes portent plainte chaque jour pour des faits de violence conjugale. Ce vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre ces violences. Pour l'occasion, et comme l'année dernière, l'association Ni Pute Ni Soumise lance l'action tout en jupe. L'initiative a été lancée dans le but de dénoncer et attirer l'attention. Politique, Élodie Rupo va-t-il continuer sa mission? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexander De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne filtre. Élodie Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui donner sa réponse. Les bons d'État remportent un franc succès, déjà 77 millions d'euros récoltés. Le Premier ministre sortant Yves Le Terme espère en récolter 200 millions d'euros et les souscriptions recueillies en ce premier jour dépasseraient ce qui avait été récolté sur l'ensemble de la campagne précédente. Manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales pour l'emploi en danger. Pour rappel, en octobre dernier, le Moniteur belge publiait un arrêté royal de la ministre de l'Emploi qui prévoit le prélèvement des réserves financières des agences locales pour l'emploi et puis manifestation également à Bruxelles du secteur non marchand. Une ado sans permis a renversé un piéton hier soir dans le centre d'Ewaï. Le véhicule a terminé sa course contre un mur. Le piéton et la conductrice du véhicule, tous deux grièvement blessés, ont été transportés à l'hôpital. Leurs jours sont en danger. La conductrice est une mineure d'âge née en 1994 qui ne possédait pas de permis de conduire. Et puis à l'étranger, 13 millions de Marocains sont appelés aujourd'hui à se rendre aux urnes pour les élections anticipées que le pouvoir veut historiques. Les partis, surtout le parti Justice et Développement, un parti islamiste modéré, et le taux de participation seront les principaux enjeux. Et puis enfin, au chapitre sportif, un mot de basket en Euroleague. Les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis c'est officiel, Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio, l'ancien patron du Standard, en matière de transfert. 8h02 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui? Quel temps pour ce week-end? Eh bien, une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays pourrait par contre profiter plus longuement du soleil. Température de 7 à 12 degrés. Ce week-end, eh bien, temps sec pour samedi, mais malheureusement, retour de la pluie pour dimanche. Mais pas de bol. Et puis sinon, on signale également un ralentissement, voire même à l'arrêt, sur la E42 à hauteur de Recours en allant vers Aachen. Bonne journée à tout le monde et puis bon courage aussi si vous êtes dans les bouchons actuellement. Dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser votre facture. C'est dans 20 secondes que ça se passe. Fun Radio. Fun Radio. Comment vous faire rembourser votre facture? Un jeu d'enfant. Il suffit simplement de nous envoyer un petit SMS, je le répète, mais on ne sait jamais, des nouveaux auditeurs arrivent chaque jour. Il suffit simplement de nous envoyer un petit message au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. 6322, c'est 1€ le message. On propose 61€ pour un sèche-linge. Oui, pas cher le sèche-linge. 50€ pour un voyage scolaire. Où est-ce qu'il est? Facture de mazout, mais on ne sait pas combien malheureusement. 444 pour le mazout de chauffage. 500 litres. Qu'est-ce qu'il y a également? 162€ pour des pneus hiver, 168€ pour un voyage entre potes à Euro Disney. Et puis bah vous aussi, si vous voulez faire partie du tirage au sort d'ici 5 minutes, il suffit de nous envoyer votre message comme promis au 6322. Débutez votre message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, allez, MFAO. Et l'info en plus maintenant avec Julie. Alors, c'est surréaliste ce qui se passe au tribunal de police de Liège. En fait, ils n'ont plus de papier. Ah merde. Alors, c'est très bête, mais bon, une pénurie de papier A4, eh bien, ça a des fâcheuses conséquences. En fait, 20 000 courriers sont bloqués. Ah oui, sympa. Donc c'est très bête, effectivement. Donc chaque jour qui passe, 7000 courriers s'entassent dans les ordinateurs du tribunal de police de Liège. Ah mais ils n'ont plus de papier, alors, les c'est pauvres. Pas faute d'avoir commandé du papier au service public fédéral. La commande est partie le 4 novembre, mais depuis toujours rien. Alors ils ont évidemment bien essayé de se débrouiller. Ils ont été chippés des rames de feuilles dans les autres services. Mais depuis que la pénurie sévit, eh bien tout le monde garde jalousement ses feuilles. C'est donc, normal, hein, du coup tu reçois pas les PV. Donc... Eh bien voilà, exactement. Donc le manque de papier à ce genre de conséquences, c'est que les PV ne sont pas envoyés et alors ils prennent des retards considérables puisque je le rappelle, il y a quand même 20 000 courriers qui sont bloqués. C'est surréaliste. Mais c'est un truc de dingue, c'est clair. Faites un don, hein. Envoyez une feuille de papier au tribunal. Il faut quand même dire, ironie du sort, à quelques mètres du tribunal, il y a pourtant plusieurs magasins d'informatique où ils vendent des rames de papier. Bah oui, mais bon, après il faut l'argent, tout ça c'est compliqué. Hein. Ouais, alors je rappelle juste pour ceux qui ne comprennent pas, rames de papier, c'est des gros blocs de papier. Hein. Mais oui, bien sûr, c'est ça, des trucs pour les bateaux. Non, c'est pas ça. Voilà. Je voyais tout avec des grands yeux qui ne comprenait pas, donc j'ai précisé. Il est 8h06 sur Fun Radio, le remboursement de factures, c'est dans un instant, et le son d'Avicii me retourne la tête. Big up à vous et gros bisous à Julie, c'est Jérôme le chauffeur. Voilà, salut Jérôme. Un gros bisou à Greg qui avait envoyé un message tout à l'heure, 6h30, pour dire qu'elle avait une belle voix, blablabla. Ouais. Alors je lui fais un gros bisou aussi. C'est cela. Allez, 8h06 sur Fun Radio, c'est les MFAO qu'on écoute maintenant comme promis sur Fun Radio. Sexy and I know it, et juste après, promis, on vous rembourse vos factures. 8h08 sur Fun Radio, et comme chaque jour, 7h10, 8h10 et 9h10, on paye vos factures. Allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et on vous passera le son de Pink aussi dans un instant avec Stupid Girl. Et je peux vous rappeler la petite devinette qui colle également maintenant, tiens, le temps qu'on compose un numéro. On peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. Qui est-elle? Ce que Toff n'offre jamais, je pense. Hein. Jamais. Jamais, oui, je jamais. Me disais bien c'est... également. De temps en temps, je les prends sur un rond-point, mais c'est très rare. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, oui, c'est vrai qu'on peut en trouver également gratuitement sur des ronds-points. C'est vrai que ça peut arriver, effectivement. C'est le conseil qui n'est du coup pas très cher, c'est clair. Bon, bref, en tout cas, si vous avez la bonne réponse, vous repartirez peut-être avec... avec un écran plat tout simplement, hein, ou alors des Sony Ericsson Xperia, ce sont les smartphones. Si vous avez la bonne réponse, 6322 par SMS. Bonne chance tout le monde. En tout cas, elles peuvent être une sorte, en tout cas, de plusieurs couleurs différentes. Et du coup, ça veut dire quelque chose de d'autre. On peut très bien offrir une par amour, en offrir une par amitié, en offrir une parce que le mec il est complètement cocu et qu'il y a un moment faut lui dire, etc., etc. C'est quoi ? Non, je disais une baffe. Ah non, pas du tout. Ah bon. Voilà, 63-22, bonne chance. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant au hasard, quelque part en Belgique, quelqu'un qui s'est inscrit pour repartir avec le remboursement de la facture. Il y avait 35€ pour le chien, 140€ pour une plaque radiée. Bah, si c'est cher pour une plaque, ça ne sert plus à rien. Allez, c'est parti, on y va. Si, Ilou. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Mickaël sur Fun Radio. Eh oui ! Comment tu t'appelles ? Hey, comment ça Marion. Va Tu t'appelles ça comment va super bien. Marion, d'accord, ok. J'avais compris Mario, je me dis tiens. Non, Marion. Il a été castré. Bon. Alors, Marion, tu as quel âge? Tu es dans quelle ville? 23 ans et je suis de Liège. 23 ans de Liège, 99 FM. Pour écouter Fun Radio à Liège, c'est parfait. Alors, Marion, oui. Tu voulais te faire rembourser un pull pour un cadeau de Noël, c'est ça? C'est bien ça, oui. C'est un pull que tu veux t'offrir à toi-même ou que tu veux offrir à quelqu'un? Non, c'est pas moi-même, c'est pour le cadeau de Noël de mon copain. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est tout trop plein. Mignon. Et c'est oui. Quoi comme pull? C'est un beau pull, il est flashé dessus, donc je me suis pas posé de questions. Tu l'as acheté directement. Et après, je me suis rendu compte qu'il coûtait 300€. Oui, c'est ça. Non, 50€ le pull, c'est ça? C'est bien ça, oui. Eh ben écoute, on va te rembourser le pull, il n'y a pas de problème. Alors, hein, ton copain sera ravi de savoir que tu lui as offert un cadeau qui t'a coûté que dalle. Voilà, exactement. Mais c'est bien, mais comme ça, tu vas pouvoir lui en offrir deux. C'est ça qui est bien, Marion. Oh, c'est ça. Ben voilà. Bon, ben Marion, je te fais des gros bisous en tout cas. Reste fidèle à Fun et puis je te repasse l'aube au standard. On va prendre toutes tes coordonnées pour te rembourser rapidement, ok? Merci beaucoup. Gros bisous, à bientôt. Bisous, au revoir. Salut Marion, et si vous voulez faire comme Marion justement ou comme Anissa qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, eh ben c'est facile, il suffit de nous envoyer un petit SMS dès maintenant pour 9h10 au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Voilà, bonne chance tout le monde et on va s'écouter, je l'ai promis, le son de Pink maintenant, Stupid Girl. Stupid Girl. Il est 8h14 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est David Guetta qui arrive dans un instant, mais avant cela. Fun Radio. L'horoscope. Et oui, c'est l'horoscope, évidemment, comme d'habitude, avec Doudou. Oui, bon, oui. On va faire l'horoscope. Oui, juste, j'avais une petite idée pour votre gouvernement, là. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est de faire comme en Inde. Quand vous êtes pas content d'un ministre, vous allez lui mettre une bonne claque. Une baffe? Oui, c'est ça, une bonne baffe dans sa gueule, ouais. Hein, et de préférence quand il est en pleine interview. Comme ça, la télé, elle gardera ça pour l'histoire. Mais je suis pas certain que ça arrange les choses, mais non, bon, mais je crois c'est que ça peut faire du bien de temps en temps. Peut-être, on verra. Bon, allez, Doudou, c'est l'horoscope maintenant, comme chaque matin, 8h15, on y va, les béliers. Les prochains jours ne vont pas être faciles, mais vous surmontez le tout. Les taureaux. Vous êtes en ce moment dans une période créative que vous devriez utiliser professionnellement. Les gémeaux. Tempérez-vous et surtout évitez de faire des excès. Les cancers. Vous vous sentez en pleine forme et vous devriez en profiter pleinement. Les lions. Ne restez pas sur votre canapé ce soir, sautez. Et les vierges. On vous fait une proposition intéressante sur le plan professionnel et cela renflouera votre compte en banque. Une bonne nouvelle pour les vierges, les balances. Oh oui. Soyez plus courageux, les paroles d'un ami pourraient vous irriter ou vous blesser. Les scorpions. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas sentimentaux. Les sagittaires. En ce moment, il vous manque la volonté de défendre votre position. Les capricornes. Les escapades amoureuses ne sont pas en vue et cela risque de durer encore un bon moment. Les Verseaux. Ces derniers temps, vous avez perdu de votre optimisme et de votre vitalité. Mais cette phase est bientôt finie. Bon, et pour terminer, les poissons? Si vous vous mariez ce week-end, eh bien, partez du principe que cette union va durer très longtemps. Et donc, vous allez bien emmerder. Oui, c'est une bonne nouvelle. Merci, Doudou. On vous retrouve dans une heure pour la dernière fois de la semaine. Mais d'accord, avec plaisir. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et puis, je vous rappelle encore une dernière fois également, cette devinette qui colle pour ce matin, c'est pour repartir avec votre écran plat ce matin ou alors vos smartphones Sony Ericsson, les Xperia. On peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. Voilà. À l'envers ? Non. Affaire voilà, si vous avez. Non. Non. On proposait une patate. Non, Angel. On voit pas le rapport. Non, ça n'a pas, c'est pas ça. On proposait une carte. Non, mais par contre, on peut mettre une petite carte avec en général aussi. Mais c'est mieux pour oui pour dire qui les voilà. Si on les envoie par exemple. Voilà, ah, un appareil photo. Non, pas du tout. Bon, si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Et comme je le disais, écran plat à gagner ce matin ou les smartphones, les Sony Ericsson Xperia. Bonne chance. Et comme promis, à 8h17, c'est David Guetta qu'on écoute maintenant avec Usher sur Fun Radio. Without You, bon réveil et bienvenue sur Fun. I can't wait. David Guetta à l'instant sur Fun Radio avec Usher. Il y aura Niro dans un instant aussi avec Promises. Ça sera Promises, voilà, je viens de vous le dire. Et à 8h19, nous allons dans un instant faire la déclaration express. Et avant ça, voici une petite lettre, une réponse toute faite qui a traîné sur Internet. Je me suis dit, putain, il faut absolument qu'on travaille là-dessus, justement. En fait, c'est une lettre qui a été faite pour Monsieur Reinders, donc si jamais vous avez... De quoi ? C'est DJ. Oui, exactement. Et donc, si jamais vous avez, pas envie de payer vos impôts parce que vous trouvez que l'État belge, à un moment, il se fout un peu de votre gueule, eh bien, vous auriez raison. D'ailleurs, j'ai mis ça sur le groupe Facebook. Je vais le remettre si vous voulez éventuellement le copier pour l'envoyer. Donc, c'est en gros, ça dit j'accuse réception de mes extraits drôles pour mes contributions sur les revenus 2010 pour ma taxe d'habitation, ma taxe voiture, ma taxe, etc., etc., etc. Malheureusement, ma situation étant en affaires courantes, je suis dans l'impossibilité de régler ces montants. De plus, mon portefeuille et moi n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur l'établissement du budget 2012. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer, mais la situation économique m'amène à devoir faire des efforts budgétaires. De plus, j'ai dû prêter 100 000 euros à une famille qui était dans le besoin et j'ai dû sauver de la faillite l'entreprise d'un ami. Je ne suis donc plus en mesure de répondre à mes obligations vis-à-vis de l'État. Je suis certain, monsieur Reinders, que vous comprendrez ma situation, mais que malgré cela, vous ne me ferez aucun cadeau. Vous nous demandez de répondre à nos obligations civiles, mais le gouvernement fait tout le contraire avec notre argent. Mon portefeuille vient de rompre les négociations et me voilà dans une impasse. Je viens de consulter mon compte en banque, mais il tient sa décision en suspens, évidemment. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite des négociations et vous demande, en attendant, d'être patient, de garder confiance en moi, en vous remerciant de votre compréhension. Je me suis dit que si on envoyait ça à l'État, ça pourrait être drôle, tu vois, si tout le monde le fait. C'est ça qu'il faut, c'est que tout le monde le fasse. Voilà. Il faut engorger, et puis comme ils n'ont pas de papier pour te répondre. Mais c'est, voilà, en plus, ouais. Non, mais voilà, si tout le monde fait ça, je pense qu'on peut vraiment bien se marrer. Parce qu'ils ne sauront pas quoi répondre, enfin, je pense en tout cas. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu original. Donc si jamais ça vous intéresse, le texte est sur le groupe Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Suffit de vous servir ou vous me faites un mail, mikael@funradio.be, et je vous le forwarderai avec grand plaisir. Nous avons Sébastien qui est avec nous maintenant. Salut Sébastien. Oui, bonjour. Comment ça va, Seb? Bonjour. Ça va bien, merci. Eh ben écoute, tant mieux. Bienvenue à toi Sébastien. Tu nous appelais pour faire une petite déclaration express. Oui, c'est ça. Eh ben très bien. On va appeler ta copine. Comment s'appelle-t-elle? Swad, d'accord, ok. C'est ta copine ou c'est ta future copine? C'est ma copine. C'est ta copine, d'accord, ok, très bien. Alors on va y aller, hein, c'est parti. On va l'appeler dès qu'elle décroche. Tu lui dis voilà, Swad, j'ai un truc à te dire, écoute, et puis nous on dégaine derrière, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance. C'est Swad donc qu'on appelle. Il y aura Niro juste après aussi, hein. Voilà. On propose une enveloppe pour la devinette qui colle. Non, pas du tout. Alors, si jamais c'est le répondeur, bah dis quand même j'ai un truc à te dire, on le fera sur le répondeur, tant pis. Eh bah ça s'annonce répondeur ça, Sébastien là. Oui, Swad. Eh oui, Swad. N'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Bon, tu lui laisses le message, hein, d'accord. Eh bien, Swad, oui. On va lui laisser un message. Allez. Et bonjour, chouchou, écoute, j'ai un truc à te dire. Depuis deux mois on se connaît, hey, hey, yeah. T'es venu dans mon cabinet, hey, hey, yeah. Ton cou était contracté, hey, hey, yeah. Et rappelle-toi comme je t'ai décoincé. T'es une jolie infirmière, et tu bosses avec moi. Si je te vois dans le vestiaire, direct je te m'aide. Si je t'appelle, c'est pour te souhaiter un bon anniversaire. Et comme ça fait de moi, nous deux, ce soir, tu vas la voir dans le... Merci l'homme. Il faut qu'il arrête de jouer avec des bruitages. Hein. C'est terminé les bruitages dorénavant. Voilà Swad. Bon bah tu peux pas répondre puisque tu es sur le répondeur évidemment. Mais Sébastien, c'était comme tu voulais, hormis la fin. Oui, c'est pas mal. C'est la fin qu'il a préférée. Ah, ça va, écoute, alors très bien. Si ça va lui plaire, tant mieux. Bah, voilà. Voilà, Swad, c'était la déclaration express pour toi. Et puis, bah, Sébastien, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu quand tu veux, d'accord ? Ok, merci. À bientôt. Salut à toi. Ciao. Et puis, les autres, si vous voulez faire une déclaration express à votre copain, à votre copine, future copine ou même déclaration de rupture, eh bien, facile. 30-44 par SMS. Vous mettez déclaration au début de message. C'est 50 centimes le message. Ou vous faites un email loeb@funradio.be. Et puis, comme promis, un son que vous aviez découvert sur Fun Radio, c'était pendant les grandes vacances, la Niro qu'on écoute tout de suite à 8h24, c'est Promises. C'était le son de Niro à l'instant, Promises. Il est 8h26 et nous accueillons maintenant Pina qui est avec nous. Bonjour Pina. Bonjour. Comment vas-tu Pina ? Très bien, merci. Bon, très bien. Bah, tant mieux, sois la bienvenue. Juste avant les infos, Pina, merci, tu appelles de la Louvière et tu as la réponse à la devinette qui colle. Je la répète, hein. On peut la faire à quelqu'un pour lui offrir une faveur. On peut l'offrir à quelqu'un pour faire vibrer son cœur. Qui est-elle ? Eh bien, ce sera des fleurs. Eh bien, c'est effectivement ça la bonne réponse, c'est la fleur. Bravo Pina, tu repars donc avec un écran plat. Eh bien, voilà, tout simplement, l'écran plat. On va te repasser l'ob au standard et puis on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ça rapidement, Pina. Je te fais des gros bisous. Bonne journée. À bientôt et bonne journée à toi aussi. Et dans un instant, je vous rappelle une nouvelle devinette qui colle pour vous offrir à nouveau des écrans plats. On va d'abord écouter Jim Classy Rose. Et puis il y a l'info, Julie, qui arrive évidemment avec la météo d'ici 3 minutes sur Fun Radio. Restez là. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil ? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. C'est Fun Radio, il est 8h30, bienvenue si vous arrivez, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, l'électricité augmentera de 20%, sans grande surprise, la sortie du nucléaire programmée dès 2015 et qui devrait s'achever en 2025, eh bien s'accompagnera d'une augmentation de la facture énergétique. La CREG, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz, a refait le calcul à la demande du journal Le Soir et la facture annuelle du client moyen pourrait exploser, varier entre 5 et 19%, soit 132 € par an dans le cas moins favorable d'augmentation. Ces chiffres sont cependant contestés par les défenseurs de l'énergie renouvelable qui considèrent que ce chiffre ne tient pas compte des coûts indirects du nucléaire ni des coûts environnementaux. En Belgique, 52 personnes portent plainte chaque jour pour des violences faites de violences conjugales. Ce vendredi 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre ces violences. Pour l'occasion et comme l'année dernière, l'association Ni Pute Ni Soumise lance l'action Toutes en Jupe. L'initiative a été lancée dans le but de dénoncer et attirer l'attention. Et la ministre de l'Intérieur, Annemie Turtelbaum, veut renforcer la lutte contre la violence conjugale. Elle souhaite que la police puisse effectuer des perquisitions pour saisir des armes lors d'informations faisant état de violences verbales et physiques au sein d'un couple. À l'heure actuelle, lors de signalements de violences conjugales, la police ne peut que demander s'il y a une arme au domicile et si l'auteur des coups est disposé à la remettre volontairement. Politique, Elio Di Rupo va-t-il continuer sa mission ? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexander De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne fit. Elio Di Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui rendre sa réponse. Les bons d'État remportent un franc succès, déjà 77 millions d'euros récoltés. Le Premier ministre sortant Yves Le Terme espère en récolter 200 millions d'euros et les souscriptions recueillies en ce premier jour dépasseraient ce qui avait été récolté sur l'ensemble de la campagne précédente. Manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales. Non, vas-y, fais une pause. C'est ça que tu veux que voilà. Je fasse. Voilà. Voilà. Allez, la suite de l'info maintenant sur Fun Radio. Donc, manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales pour l'emploi en danger et manifestation également à Bruxelles du secteur non marchand. Et puis à l'étranger, 13 millions de Marocains sont appelés aujourd'hui à se rendre aux urnes pour les élections anticipées que le pouvoir pouvoir, vœu historique. Et puis enfin, au chapitre sportif, un mot de basket. En Euroleague, les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis en football, c'est officiel. Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio, l'ancien patron du Standard, en matière de transfert. Et on va passer à la météo maintenant. Quel temps pour ce week-end et pour aujourd'hui aussi? Eh bien, pas terrible. Une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays pourrait par contre profiter plus longuement du soleil. Température de 7 à 12 degrés cet après-midi. Ce week-end, eh bien, ce sera temps sec pour samedi et pluie pour dimanche. D'accord. Bon, bah très bien. On va écouter Jim Glassy Rose aussi dans un instant avec Adam Levine. Ce sera Stereo Earth. Et puis, je vous annonce la nouvelle et dernière devinette qui colle de cette semaine. 8h34, c'est d'abord l'info en plus, évidemment. Eh bien, vu les physiques qui m'entoure autour de cette table, vous n'êtes pas franchement que des beaux gosses, que des tueurs quoi. Voilà, donc pas franchement sportif. Et la course à pied, apparemment, c'est quand même le moyen le plus efficace et le plus économe pour brûler des calories. Ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la course à pied peut causer des rides. Ouais. Ce serait la troisième cause de rides prématurées après le tabagisme et le soleil à outrance. C'est quand même assez énorme. En fait, selon un chirurgien aux États-Unis, 25% de ses clients veulent lutter contre les ravages de la course. Alors, René Zellweger et Maldona sont deux joggeuses averties. Elles peuvent en témoigner. Leur peau perd de l'élasticité à force de courir. C'est pour ça qu'aux États-Unis, maintenant, on voit de plus en plus de joggeurs qui se mettent un porte-menton en plastique sous la mâchoire, maintenu donc par leurs oreilles. Ça minimiserait les joues tombantes et le coup de dinde. Écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Ah oui, pourquoi pas. C'est conceptuel, évidemment. Ouais. Bon, bah, très bien. Si vous voulez un porte-menton, voilà, c'est difficile à dire. Un porte-menton. Oh merde. Enfin bref, si vous voulez un truc pour mettre en dessous de la bouche, quoi. Eh bien, vous allez aux US, c'est disponible. 8h35 sur Fun Radio. Nouvelle devinette qui colle maintenant, écoutez-la bien. S'il est seul, c'est du bois qu'il pourra couper, mais s'ils sont deux, ils ne couperont que du papier. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, hein, relativement simple, je pense. S'il est seul, c'est du bois qu'il pourra couper, mais s'ils sont deux, ils ne couperont que du papier. Qui sont-ils? La bonne réponse au 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner ou des smartphones Sony Ericsson, les Xperia. Bonne chance tout le monde. Et comme promis, avant de faire un tour avec Julien Derien, c'est Jim Classy Rose maintenant et Adam Levine, le chanteur des Maroon 5, Stereo Earth sur Fun Radio. Jim Classy Rose sur Fun Radio à 8h38. Bon réveil tout le monde. Ça y est, j'ai mis la petite lettre à l'attention de Didier Reinders sur le Facebook. Hein. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. facebook.com/mikaelofficiel ou alors vous êtes nombreux à me l'avoir demandé par email également. mikaelofficiel@funradio.be. N'hésitez pas à envoyer cette lettre à l'État justement, hein, histoire qu'ils se rendent compte un peu qu'il y a un moment faut arrêter de se foutre de notre gueule parce que ça commence à bien faire maintenant. Hein. 8h38. Quelqu'un qui se fout aussi parfois un peu de notre gueule, c'est Julien Derien. Que vous retrouvez tous les soirs sur Fun Radio dans La Tribu avec Evan et Julien Derien qui est donc le journaliste, l'envoyé spécial sur tous les gros événements qui ont lieu partout sur la planète. Il est toujours là, toujours disponible, comme on va vous le prouver une fois de plus. L'information aujourd'hui a été relayée par 7sur7.be. La cigarette au volant va être interdite au Royaume-Uni. Alors pour en parler, on a demandé à Julien Derien de se renseigner sur le sujet. Julien, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'interdiction de la cigarette? Vous avez enquêté? Oui, bah vous savez, tant qu'on n'interdit pas la pipe. Hein. Non mais sérieux, la dernière fois j'étais avec une copine qui me faisait une petite gâterie au volant. Putain, une voiture de flic nous croise, ils nous disent arrêtez-vous. Et alors? Bah, il était hors de question qu'elle s'arrête, elle m'avait pas encore fini. Non, mais la cigarette c'est un faux problème, hein. Pour être honnête, un homme bourré qui fume et mange un sandwich sera toujours moins dangereux qu'une femme au volant. Regardez Noémie par exemple. Oh mais Julien! C'est vrai. Honnêtement Julien, elle a rarement eu d'accident, hein, Noémie. Eh, tu vas pas me faire croire qu'avec la gueule qu'elle a, là, j'ai eu d'accident. Julien, arrêtez, en plus, vous n'y connaissez rien en voiture, vous, je le sais. Pardon? J'ai dit arrêtez, vous n'y connaissez rien en voiture, en plus. Tu rigoles ou quoi? Tu me prends pour un bleu? J'ai une 205 dernier modèle. Ok, alors donnez-moi un petit conseil. J'hésite à l'acheter. Alors si je vous dis que le moteur est un monocylindre avec refroidissement par air et en deux temps, qu'il a un taux de compression de, allez quoi, de 11,6:1 et que la puissance maximale est, c'est quoi, 7000 tours minute? Bah, vous en dites quoi là, Julien? Bah, j'en dis que tu vas acheter une sacrée bagnole, mon âme, tu te fais un beau plaisir là. Ouais, d'accord, je viens de vous faire la description du scooter, Julien. Ah. Oh, mais j'y connais quelque chose. Hein. Bon, petite anecdote. La dernière fois, je prends le volant. J'étais complètement bourré, je fume une clope. J'étais conscient, hein, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai roulé tranquille, je roulais à 30 sur l'autoroute, pépère. Bon, là, au loin, je vois un chien. Je fais comme on m'a dit pendant que je passais le permis, je l'écrase. Oh non! Julien, c'est n'importe quoi, c'est une horreur ce que vous dites. C'est sûrement parce que vous arriviez trop vite. Je suis sûr que vous reliez trop vite, non ? Non, non, non, le chien est à 200 mètres, j'avais le temps de m'arrêter, mais j'aime pas les chiens, alors bon. Pas les chiens. Bon, je continue tout droit, et là, le drame. L'accident. Alors, je sors de ma voiture, furieux, je dis au mec en face de moi qu'il est en tort, car il vient de la droite et que j'avais la priorité. Vous savez ce qu'il ose me répondre, le mec ? Non, non, vas-y. Il me dit peut-être, mais là, vous êtes dans ma cuisine. Enfin bon, sinon, hein, je vais peut-être aller à Paris, là, donc je voulais proposer aux gens de faire du covoiturage avec moi. En plus, j'ai acheté une caisse de bouteilles de rhum, donc ça va être sympa. Vous êtes flippant, pas rassurant et vous craignez, Julien. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Merci en tout cas. De rien. Eh ben voilà, Julien De Rien qui sera de retour ce soir pour la dernière de la semaine, évidemment, dans la tribu avec Evan dès 17h. Restez là sur Fun Radio dans un instant, Neyer. Et là aussi, comme d'hab, si vous aimez ce morceau et ce style de musique, rencard ce soir après Keep It Real dès minuit sur Fun Radio avec Malus. Ce sera l'Invasion Latina, la seule et unique émission latino sur Fun Radio en Belgique. Mickaël à la radio. Reviens juste après ça. Fun Radio. Fun Radio, bonjour tout le monde, si vous arrivez 8h45, c'est vendredi aujourd'hui, dernier jour de la semaine, ça fait plaisir. Et que se passe-t-il sur les routes, Julie ? Eh bien évidemment, en dehors des ralentissements, comme chaque jour pour rejoindre la capitale, accident sur le petit ring de Charleroi, à hauteur de Charleroi, du tunnel Hierneux qui est bloqué. En fait, la circulation est fortement ralentie évidemment. Et puis, un peu plus, voilà, accident sur la N249 à hauteur de Tollenbeek, la chaussée est fermée dans les deux sens. Et puis accident sur la N16 à hauteur de Purs en direction de Willebroek. La bande de gauche est obstruée, la situation est dangereuse. Bon, et si vous êtes témoin d'un accident, d'un problème sur la route, d'un bouchon, d'un radar, signalez-le nous, n'hésitez pas, pour qu'on puisse prévenir d'autres auditeurs, évidemment. 30-44 pour ça, vous envoyez un SMS, c'est 50 centimes le message, ou alors, gratuitement, vous faites un email mikael@funradio.be. On compte sur vous. Je vous rappelle la devinette qui colle. S'il est seul, c'est du bois qu'il pourra couper, mais s'ils sont deux, ils ne couperont que du papier. Qui sont-ils ? Un indice éventuel ? Bah non. Non. Bûcheron. Bûcheron, oui, si tu veux, oui. Ou alors Pierre. Oui, papier. Voilà. Bon, allez, si vous avez la bonne réponse, 63-22, allez-y, c'est 1€ le message et des écrans plats à gagner. Dans un instant, la ligne anti-relou. Et avant ça, Neyer maintenant sur Fun Radio. Mister You arrive dans un instant sur Fun Radio avec le colonel Rayel, mais avant cela, évidemment. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. C'est évidemment la ligne anti-relou, le dernier encart avec la ligne anti-relou de la semaine, évidemment. 8h49 ce matin, et la ligne anti-relou, c'est un seul numéro à retenir par cœur, le 0-473-86-00-13. Numéro à retenir, car vous allez devoir le donner, évidemment, à tous les relous que vous allez croiser de manière la plus naturelle possible. Par exemple, il y en a un qui vient vous prendre la tête pendant que vous êtes en boîte ou dans un bar avec des copains ou des copines, et bien vous lui dites tout simplement oh non, écoute, j'ai un rendez-vous là, j'attends quelqu'un, mais tiens mon numéro de téléphone, n'hésite pas à me rappeler, vraiment je pense qu'entre nous ça peut coller. Voilà, donc vous n'hésitez pas à dire ça, du coup la personne va être ravie, va se dire oh, c'est génial, ça a été plus facile que prévu, et du coup bah forcément va nous appeler et va laisser un message sur notre répondeur, c'est-à-dire la ligne anti-relou. Pardon madame, bon, lui déjà, à mon avis, je crois qu'il avait bien grillé, qu'il était sur la ligne anti-relou. Donc pour sortir la tête haute, autant dire c'était une erreur. Je me suis trompé. Voilà, hein, il savait où il allait terminer. Deuxième message. J'ai envie d'acheter des trucs cochons, quoi. Rappelle-moi. Quelle horreur. André, ton chéri. Oh, André. Oui. Voilà quelque chose qui pourrait vachement exciter notre amie Julie. Ah oui, bah. Moi ça excite mes nausées. Ah oui, moi, okay. Ça me donne envie de vomir. Bon, allez, dernier message pour ce matin. Hey Caroline, en fait, tu te rappelles hier tu m'as donné ton nom, c'est Vincent. Ouais. Je peux te demander de 1, si on est de voir pour demain, et de 2, si tu veux bien sortir avec moi. Rappelle-moi tout de suite. Enfin, tout de suite, dès que tu peux. Donc on rappelle encore une fois, ne jamais demander à quelqu'un de sortir avec lui par téléphone. Ça ne se fait pas, même en vrai, hein, ça ne se fait pas des masses. Il vaut mieux que ça se fasse tout seul. Un bon plaquage contre le mur. Mais oui, c'est ça. Ouais. Y a que ça de vrai. Bon, 0473 86 0013, qui ne dit mot consent. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, à retenir ce numéro de téléphone pendant tout le week-end. Vous allez devoir, à mon avis, l'utiliser. J'espère. Enfin, j'espère pas pour vous, mais j'espère pour nous, évidemment, puisque le week-end, forcément, les soirées, les sorties, vous allez, à mon avis, croiser croisé pas mal de relous. Bon, dans un instant, je vais vous donner, vous rappeler, pardon, la devinette qui colle. Et puis, bonne nouvelle également par rapport à la petite lettre que j'ai trouvée, que j'ai mis sur le Facebook et que j'ai lu tout à l'heure pour Reinders, ministre des Finances. Donc, il y a déjà pas mal de gens qui l'ont repiqué, notamment Sonia qui dit « Je l'ai écrite hier matin, j'attends une réponse. » Parce que je vous avais demandé d'envoyer ça, évidemment, à Didier Reinders, justement, pour lui dire que, en gros, vous mettez à la place de l'État, que vous n'avez plus les moyens de payer parce que vous avez prêté de l'argent à d'autres personnes, etc. Bref, une lettre qui est relativement bien faite. Donc, si vous la voulez, vous allez sur le Facebook, sur le fanbook, facebook.com/mikaelofficiel, ou alors vous me faites un mail, mikaelofunradio.be. Je vous copierai, je vous copie-colle ça, évidemment, avec grand plaisir. Dans un instant, on va appeler encore une fois des gens pour leur signaler que c'est la journée sans email et pour leur proposer des alternatives. Et en attendant, c'est le mystérieux qu'on écoute, c'est le colonel Rayel. Mets-toi à l'aise. Bah, faites pareil chez vous, les 8h52. Mets-toi à l'aise. Tini Tempa arrive dans un instant sur Fun Radio avec Till I'm Gone et Wiz Khalifa. Il est 8h55 et donc on va appeler des gens maintenant, et bah simplement pour les prévenir que c'est la journée sans email et donc leur proposer des alternatives. Bah, des vraies alternatives. Mais oui. Des vraies solutions à cette journée sans email. Bah voilà, on avait appelé tout à l'heure, on avait appelé à Ougré, on avait appelé à Namur, on s'était fait un peu maltraité. Donc c'est ça, donc après le pigeon voyageur, le bras zéro pour faire des signaux de fumée, je vais proposer le morse. C'est une idée, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on y va, on appelle direction Kievre. Bonjour madame. On appelle direction Kievre. Hein. Oui, bonjour, voilà, je vous appelle parce qu'aujourd'hui c'est la journée sans email. Monsieur, vous avez quelle heure il est ? Oui, tout à fait madame. Et en fait, je vous appelle tôt parce que comme ça, je peux vous prévenir rapidement et vous proposer des solutions pour que vous puissiez continuer à envoyer des messages aujourd'hui. Oui, mais ça vous tombe mal monsieur. En fait, on a eu peur, donc c'est pas le moment. D'accord. Et donc peut-être je peux vous proposer d'utiliser le pigeon voyageur ? Non, rien, monsieur, excusez-moi, rien. Hein, parce que c'est tout à fait écologique hein, comme système. C'est beaucoup mieux que d'envoyer un email, hein, puisque vous utilisez un pigeon, donc forcément, vous aidez à réduire la production de CO2. Non, rien, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Ah, peut-être le bras zéro, alors, hein, pour les signaux de fumée. Non, rien du tout, monsieur, rien. Hein, ça ne marche pas à longue distance, mais bon, si vous avez des messages à envoyer pas trop loin, ça peut servir. Ouais. Ah bon, non, bah, visiblement, on n'a pas envie. Non, mais justement, elle a pas du tout envie. Bon, c'est pas très grave, on va la rappeler. Hein. Bah oui, quand même. Je pense qu'elle a pas très bien compris le concept. Allez, c'est parti. Allô. Oui, excusez-moi, j'étais avec votre dame, nous avons été coupés. Dites, vous rigolez ou quoi? Vous ne savez pas qu'on est en pleine nuit? Ça va durer longtemps? Vous ne dormez pas, vous, à cette heure-ci? Bah, excusez-moi, monsieur, mais moi, je vous appelle pour vous proposer une solution pour pouvoir continuer à envoyer des messages aujourd'hui. Oui, bah moi, les messages, je les envoie pas pendant la nuit. Allez, va dormir. Oh, dis donc, en pleine nuit, il est 9h du mat', il faut quand même pas qu'il abuse. Bon, ok, peut-être qu'on le réveille, je veux bien l'admettre, mais enfin quand même, faut pas déconner quand même. Alors vraiment, les gens là, bon, j'ai même pas pu lui proposer du coup le morse. Ouais, un échec total la journée sans email. Non, parce que peut-être que ces gens n'avaient pas du tout envie de communiquer aujourd'hui. Oui, ça c'est possible aussi, c'est vrai. Bon, il y a SMS qui est arrivé, tu peux m'envoyer la lettre pour Reinders par SMS, car aujourd'hui c'est la journée sans email, mort de rire. Bisous à mon fils Bradley. Non, parce que ce truc il est quand même relativement long, donc par SMS si tu veux, ça va être un peu relou, mais si tu veux, tu me fais un email. mikael@funradio.be ou alors directement sur le Facebook facebook.com/mikaelofficiel. On t'attend et on vous attend d'ailleurs aussi. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle. On vous remboursera une dernière fois vos factures au 6322 code facture. Et on écoute Tini Tempa maintenant avec Wiz Khalifa Till I'm Gone sur Fun Radio. Bon réveil, c'est vendredi aujourd'hui. Dans un instant, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio à 9h10 pour être précis, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures. Un petit SMS à faire, c'est la dernière fois en plus de la semaine. 6322, vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on appelle chez vous peut-être dans 10 minutes. Et on écoutera aussi Kerylson. Kerylson avec Lose Control et Nelly. C'est sur Fun Radio que ça va débarquer juste après l'info de Julie. À 9h pile, c'est parti. Bonjour à tous. L'électricité augmentera de 20% sans grande surprise. La sortie du nucléaire programmée dès 2015 et qui devrait s'achever en 2025 s'accompagnera, oui, d'une augmentation de la facture énergétique. La CREG, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, a refait le calcul et la demande du journal Le Soir. La facture annuelle du client moyen pourrait exploser selon le scénario choisi. La note annuelle payée par le client moyen devrait varier entre 5 et 19%, soit 132 euros par an dans le cas le moins favorable. Ces chiffres sont cependant contestés par les défenseurs de l'énergie renouvelable qui considèrent que ce chiffre ne tient pas compte des coûts indirects du nucléaire ni de ses coûts environnementaux. En Belgique, 52 personnes portent plainte chaque jour pour des faits de violence conjugale ce vendredi 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre ces violences. Pour l'occasion, et comme l'année dernière, l'association Ni Pute Ni Soumise lance l'action Toute en Jupe. L'initiative a été lancée dans le but de dénoncer et attirer l'attention. La ministre de l'Intérieur, Annemie Teutelbaum, veut, elle, renforcer la lutte contre la violence conjugale. Elle souhaite que la police puisse effectuer des perquisitions pour saisir des armes lors d'informations faisant état de violences verbales et physiques au sein d'un couple. À l'heure actuelle, lors de signalements de violences conjugales, la police ne peut que demander s'il y a une arme au domicile et si l'auteur des coups est disposé à la remettre volontairement. Politique, Elio Di Rupo va-t-il continuer sa mission? La réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Le formateur a eu ses entretiens bilatéraux hier. La rencontre avec Alexandre De Croo de l'Open VLD a duré plus longtemps, mais rien ne filtre. Elio Di Rupo devrait se rendre chez le roi aujourd'hui ou ce week-end pour lui donner sa réponse. Les bons d'État remportent un franc succès, déjà 77 millions d'euros récoltés. Le Premier ministre sortant Yves Leterme espère encore en récolter 200 millions d'euros et les souscriptions recueillies hier dépasseraient ce qui avait été récolté sur l'ensemble de la campagne précédente. Et puis en bref, manifestation à Liège aujourd'hui en soutien pour les agences locales pour l'emploi en danger et manifestation également à Bruxelles du secteur non marchand. À l'étranger, 13 millions de Marocains sont appelés aujourd'hui à se rendre aux urnes pour les élections anticipées que le pouvoir veut historiques. Et puis enfin, au chapitre sportif, un mot de basket en Euroleague. Les Spirou de Charleroi ont frôlé l'exploit contre le Real de Madrid en terminant 93-89. Et puis en football, c'est officiel. Anderlecht va collaborer avec Luciano Donofrio, l'ancien patron du Standard, en matière de transfert. Il est 9h03 sur Fun Radio. Dans quelques instants... Oui, la météo, on l'a déjà mis. Hein. Je pense que la météo d'abord, ce sera mieux. Il semblait aussi. Même si c'est pas terrible, hein, une dépression traversera le pays en partant du littoral vers le centre. Le sud-est du pays pourra profiter plus longuement du soleil dès la brume matinale dissipée. Température de 7 à 12 degrés. Demain, normalement un temps sec, mais dimanche, retour de la pluie. Eh oui, pas de chance. Bon, dans un instant, je vous rembourse vos factures et je vous explique comment faire dans 20 secondes. Bon bah voilà, dernière fois pour aujourd'hui là, les remboursements de factures au 63-22 en débutant le message par facture. Alors il y a quoi, 58 euros pour deux tickets d'avion, ah donc pas cher le billet d'avion hein. 137 euros pour les classes des neiges de ma fille, 46,71 pour un hachoir pour l'anniversaire de ma mère ou copine, un hachoir c'est quand même sympa pour l'anniversaire. Oh c'est pas terrible là, comme cadeau. Très très cool. Hein. Y a quoi aussi, 20 euros de téléphone pour les SMS envoyés, 150 euros pour une Wii, c'est Anne, 200 euros pour l'assurance Hospimut, etc., etc. Bon, si vous aussi vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, 63,22 par SMS, vous le débutez ce message par facture avec le montant et l'objet de la facture et c'est peut-être chez vous que ça va tomber, c'est peut-être chez vous, c'est peut-être vous qu'on va appeler dans moins de 5 minutes. Mais d'abord évidemment c'est l'info en plus. Alors il se passe quelque chose de surréaliste au tribunal de police de Liège. En fait ils n'ont plus de papier. Et oui, pénurie de papier A4. Mais ça a quand même des fâcheuses conséquences, pas pour rien que j'en parle. Il y a quand même 20 000 courriers qui sont bloqués. Et bah oui, puisqu'ils ne peuvent pas imprimer forcément. Bah oui. Donc chaque jour qui passe, 700 courriers s'entassent dans les ordinateurs du tribunal de police de Liège. Alors c'est pas faute d'avoir commandé du papier au service public fédéral. La commande est partie le 4 novembre. Mais depuis, toujours rien. Alors ils ont bien tenté de se débrouiller, hein. Ils ont été chippés des feuilles de papier dans les autres services, mais depuis que la pénurie sévit, tout le monde garde jalousement ses feuilles de papier. Alors donc ça a de grandes conséquences, comme j'ai dit, 20 000 courriers sont bloqués, donc les PV ne partent pas, ça c'est peut-être bien pour les gens qui auraient dû recevoir leur PV. Ouais voilà, c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, hein. Alors, le problème aussi, c'est que les rappels ne sont pas envoyés et donc les gens ne reçoivent pas leurs rappels et donc ils pourraient être convoqués devant le tribunal de police alors que voilà, ils n'ont pas reçu leur PV ni leur rappel. Donc ça, ça pose également problème. Alors, il faut quand même savoir qu'à deux pas du tribunal de police, il y a quand même un vendeur de papier. Mais la loi leur interdit d'aller en acheter puisqu'ils doivent passer par le service public. Eh ben c'est ça, voilà, c'est ça, toujours ça le problème. Bah oui, voilà, mais vive la Belgique. Oh là là, voilà, vive ce système bizarre, effectivement. 9h06 sur Fun Radio, bienvenue si vous débarquez. Et on va s'écouter Kerylson maintenant avec Nelly Lose Control. Et juste après, promis, je vous appelle chez vous en direct live pour vous rembourser peut-être votre facture. 6322 code facture, c'est le numéro à composer, c'est 1€ le message si vous voulez qu'on vous appelle dans 4 minutes, juste après Kerylson, pour vous rembourser cash vos factures. Bonne chance. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Mais oui, sur Fun Radio, à 7h10, 8h10 et 9h10, on appelle chaque jour pour vous rembourser vos factures. Cherchez pas ailleurs, il n'y a que nous qui faisons ça tous les matins. Donnez de l'argent à la radio, c'est quand même sympa comme délire. Et pour gagner, c'est facile, il suffit de s'inscrire au 6322. Vous envoyez simplement un petit message au 6322, c'est 1€ le message. Et on vous rappelle tous les jours à 7h10, 8h10 et 9h10 pour vous rembourser vos factures. Pour ce faire, c'est simple. On appelle chez vous, donc on appelle quelqu'un au hasard, quelqu'un qui s'est inscrit par SMS. Et si il ou elle décroche et répond bien à la question que je lui pose, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, eh bien c'est gagné. Allez hop, c'est parti, on y va et on va rembourser des fringues a priori. Allez. Deuxième sonnerie. On peut rester. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui paye les factures le matin ? C'est Fun Radio ! Mais oui ! Comment ça va? Ça va super. Bon, comment? Et vous? Eh ben, nous on va bien. Maintenant que tu es là, ça va vachement mieux. Ouais, voilà. Comment tu t'appelles? Tu nous avais manqué. Alice, tu as quel âge? Dans quelle ville, Alice? 21 ans, de Liège. 20 encore à Liège, très bien. 99 FM pour écouter Fun Radio à Liège. Oui. Dis donc, Alice, tu nous avais envoyé un petit SMS pour qu'on te rembourse des fringues commandées sur internet, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. 65€ de fringues, t'as acheté quoi? Un pantalon, un pull et une robe de soirée. Ah oui, j'avais des promos. Ah oui, voilà. D'accord, ok, bah tu t'es fait plaisir quoi. Hein. Bon bah en plus. Ça des promos. Ah bah en plus c'est bien parce que du coup tu vas pouvoir te refaire plaisir encore une fois puisqu'on va te rembourser tes 65€. Ouais, donc mais soit tu les gardes. Promo. Ouais, bah soit tu les gardes, soit tu rachètes quelque chose avec. Hein. C'est comme tu veux, Alice. En tout cas, je te fais. J'imagine bien, c'est pas ton genre de faire des économies évidemment. Hein. Non. Ah bah non, ça c'est clair. Bon bah Alice, en tout cas, je te fais des gros bisous, je te souhaite un bon week-end et surtout tu ne raccroches pas. On va te repasser l'aube au standard qui va prendre tes coordonnées et t'expliquer comment faire pour qu'on te rembourse. D'accord? Ok. Ok, gros bisous. Bisous, salut à toi et bon week-end, salut. Alice. Voilà, ben ça fait plaisir au réveil comme ça. Bam, des gens qui sont heureux. C'est ça qui est cool. Bon, 63-22, donc on remet le couvert dès lundi, évidemment, à partir de 6h du matin. Et puis on va s'écouter, Cobra Starship maintenant avec Sabi. You make me feel. Et je vous rappelle la devinette qui colle juste après. Tayo Cruz et Florida arrivent dans un instant sur Fun Radio, ce sera Hangover. Fun Radio. L'horoscope. Mais avant cela, évidemment, le dernier horoscope de la semaine. Le dernier horoscope de la semaine, c'est avec Doudou. Doudou, vous avez prévu quoi pour ce week-end, vous? Ah oui, j'ai un petit rendez-vous avec Marina à Paris. Elle m'a dit qu'elle faisait une petite soirée. Ah oui, c'est le Starfloor, Doudou. Ah bon, si vous le dites, moi je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah oui, vous allez voir Doudou là, c'est un petit concert à Bercy, il y aura 3-4 personnes, bon rien d'exceptionnel quoi. Ah ouais, ça va, je pourrais faire hein, parce que bon, je suis un peu claustrophobe moi, vous savez. Ah oui, mais non, mais vous inquiétez pas Doudou, vous allez voir, ça va aller. D'ailleurs, je serai là également au Starfloor et je serai aussi en direct dans My Life is Music à partir de 20h samedi soir, juste avant l'événement, avec Mademoiselle Luna, Joss également, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas eu la chance de gagner leur place pour aller au Starfloor. L'événement qui aura lieu demain soir à Paris-Bercy et ce sera retransmis en direct sur Fun Radio entre 21h et minuit. Bon, allez, l'horoscope maintenant, Doudou, les béliers. Alors, les prochains jours ne vont pas être très faciles, mais vous allez surmonter le tout, ne vous inquiétez pas. Tant mieux, les taureaux. Vous êtes en ce moment dans une période créative et vous devriez en profiter professionnellement. Les gémeaux. Tempérez-vous et évitez de faire des excès. Les cancers. Vous vous sentez en pleine forme et vous devriez en profiter pleinement. Les lions. Ne restez pas sur votre canapé ce soir, sautez, faites la fête. Eh oui, les vierges. On vous fait une proposition intéressante sous le plan professionnel et cela se retrouvera sur votre compte en banque. Les balances. Soyez plus courageux, les paroles d'un ami pourraient vous irriter ou vous blesser. Les scorpions. Aujourd'hui, vous allez connaître des hauts et des bas sentimentaux. Les sagittaires. En ce moment, il vous manque la volonté de défendre votre position. Les capricornes. Les Capricornes, oulalalalalalala. Les escapades amoureuses ne sont pas en vue et cela risque de durer encore un moment. Ah mince, oui, ça c'est vraiment dommage. Bon, et puis les Verseaux, hein, l'avant-dernier. Ces derniers temps, vous avez perdu de votre optimisme et de votre vitalité, mais cette phase est bientôt finie, ne vous inquiétez pas. Bon, et puis les Poissons, pour terminer. Ah, si vous vous mariez ce week-end, partez du principe que cette union devrait durer longtemps. C'est déjà ça. Ah oui, ça veut dire qu'en gros, ils vont se faciler la même pendant des années. Bon, ben merci Doudou, on vous retrouve ce week-end au Starfloor, demain soir alors. Ah, mais oui, je serai là. Parfait, et puis sinon, lundi, évidemment, en pleine forme à partir de 6h pour une nouvelle semaine de Mickaël à la radio. Je vous rappelle la devinette qui colle. S'il est seul, c'est du bois qu'il pourra couper, mais s'ils sont deux, ils ne couperont que du papier. Qui sont-ils? Ça peut servir, hein, évidemment, et puis surtout, pierre, papier. C'était un petit indice, évidemment. Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est un écran plat qui est à gagner ce matin. Ou alors les smartphones Sony Ericsson, les Xperia. Bonne chance tout le monde, 6322 avec la réponse. Et on va s'écouter la grosse tuerie du moment, Tayo Cruz et Florida maintenant, c'est Hangover. Le son d'Andy Grammer dans un instant sur Fun Radio, Keep Your Head Up. Et puis il y aura bien évidemment Lucas qui va arriver dans quelques instants. Lucas avec bien sûr le self jusqu'à 13h. Vous choisirez les morceaux que vous voulez écouter sur Fun Radio avec lui en envoyant un petit SMS au 3044 en mettant self en début de message. C'est 50 centimes le message ou alors gratuitement tout simplement en envoyant un email. C'est lucas@funradio.be. Il y a Cédric qui est avec nous maintenant. Cédric, 20 ans de Juprel. Salut Céd. Oui, salut. Comment ça va Cédric? Ça va, et vous? Eh ben écoute, ça va bien, Cédric, tranquille, un petit week-end qui arrive à la cool avec le Starfloor qui aura lieu demain soir, qui sera diffusé sur Fun et tout, donc tout c'est plutôt va bien. Ouais, plutôt un bon plan. Bon Cédric, tu es là parce que tu as la réponse à la devinette qui colle. La devinette qui colle qui est donc la suivante. Si il est seul, c'est du bois qu'il pourra couper, mais s'ils sont deux, ils ne couperont que du papier. Qui sont-ils? Des ciseaux. Bah oui, des ciseaux, en toute simplicité, effectivement, c'est une bonne réponse. Bravo à toi Cédric, tu repars donc avec un écran plat. Tu vas gérer ça au standard avec Club au, avec Club au standard, justement, d'accord Cédric? Ça va. T'as prévu quoi ce week-end? Je ne sais pas encore, en fait. D'accord, ok, bah écoute, un petit peu de temps pour réfléchir, cela dit. Hein. Bon bah Cédric, je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci à vous aussi. Salut à toi et garde cette patate. J'allais dire. garde la pêche, c'est fake. Bon, donc Andy Grammer dans un instant sur Fun Radio. Et puis vous savez que notre justice est un peu particulière et malheureusement, ce qui est arrivé récemment ne va pas arranger les choses. Alors je vous explique. C'est un ancien magistrat du parquet de Verviers qui a reconnu avoir provoqué un accident mortel et avoir pris la fuite. Hein. Alors cet événement insolite a évidemment donné des idées à des producteurs de télévision comme ceux-là, par exemple, sans scrupule. Après Pékin Express, la route du bout du monde. Vite, vite, avance, hein, faut absolument qu'on arrive premier, avance, hein, des... Voici la nouvelle production Plug RTL. Ouais, putain, je pense que 200 km/h. Oh, oh, oh, je l'ai tué. Je te dis que je l'ai tué. Ouais, bon, allez, c'est pas grave. Faut tracer, là, hein, faut tracer. Verviers Express, la route des chauffards. Ah oui, comme quoi, hein, c'est vraiment scandaleux, ils font n'importe quoi. On a hâte de c'est dingue. Ça. Ah, mais tout pour avoir de l'argent, c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est aussi simple que ça. Bon, bah alors je vois pas de qui tu parles. Qui roule à 200 km, non, je vois pas. Non, qui ferait tout pour de l'argent. Bah oui, c'est ça, voilà, tu vois. Bah, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est la même. Ouais, c'est ça. Bon, passez une bonne fin de semaine, tout le monde. Dans un instant, c'est Lucas qui va arriver, évidemment. Restez fidèles à Fun tout le week-end, car ce week-end, il se passera pas mal de choses. Déjà ce soir, Keep It Real, évidemment, la seule et grosse émission hip-hop R&B avec Vince, évidemment, et avec DJ Man également qui est présent en platine. Et puis, bien évidemment, l'Invasion Latina juste après. On se retrouve ce week-end, c'est demain et dimanche, 7h-10h avec le replay. C'est Yolande qui sera aux commandes du replay des Mickaël à la radio. Et puis on se retrouve aussi demain soir à partir de 20h, entre 20h et 21h, émission raccourcie exceptionnellement avec Mademoiselle Luna et DJ Joss. Ce sera dans My Life is Music. On parlera évidemment du Starfloor. C'est le gros événement qui aura lieu demain soir à Paris-Bercy. On vous a envoyé nombreux là-bas d'ailleurs, hein, tout frais payé au Starfloor à Paris-Bercy. Et ben je serai là également pour commenter tout ce qui va se passer en direct avec vous. Le Starfloor, c'est entre 21h et minuit, et le before, c'est entre 20h et 21h dans My Life is Music. Voilà, passez un bon une bonne journée. Dans un instant c'est Lucas, loupez pas Jasmine juste après, et bien évidemment Evan avec toute la tribu, notamment Julien Derien qui sera là bien entendu. Bon week-end Julie. Bon week-end. Qui a prévu quoi? Les Ardennes ce week-end. Ah ouais, dis donc, c'est bien. Hein. Oh bah oui, écoute, ah oui, moi, ça va être bien. Une vie trépidante. Ah oui, oh là là. Et puis Toff également, bah, beau week-end ici. Hein. Mais oui, écoute. Parfait. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Bon, écoute, tant mieux, c'est le principal. Le bah, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Allez, bon week-end tout le monde. À lundi à partir de 6h. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.